écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Sont foutus pas barres. Son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste ou plusieurs listes sur différents sujets, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Et aujourd'hui, hein, tu sais, on est le 17 mars. En effet, Mathieu. En effet, Guy. C'est la Saint-Patrick. Oui. La fête des Irlandais, bien sûr. Donc, tu sais, la Saint-Patrick, il y a plein de choses qu'on connaît de ça. On sait qu'il faut porter du verre, on sait qu'on boit de la bière. Oh verte. Non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça que j'avais prévu mon polo vert ce matin. Oh non! Puis là, ben, il était pas sec. Il était pas sec, Mathieu. C'est vrai, les manches n'étaient pas sèches. Les manches n'étaient pas sèches. Mais hier, je me suis dit, je vais mettre mon polo vert. Je retourne chez nous, OK, Mathieu? C'est vraiment raté. Encore tant de potentiel gâché. T'as une chose à retenir, oui. C'est de mettre du vert à la Saint-Patrick. Puis là, je viens de me dire, JP, t'es à la radio. Personne ne sait que t'as mis ton polo noir. C'est pas dit, personne ne l'aurait su. Mais j'aurais brisé le mythe, je l'aurais dit. Oui, merci, Mathieu. Je l'aurais dit, je suis un stou. T'as un peu de confiance. Un stou. Donc, on va apprendre quelques affaires qu'on ne savait pas sur la Saint-Patrick. Évidemment, on n'a pas le choix. C'est des choses vraiment inévitables. Il faut les savoir pour argumenter un petit peu, alimenter vos discussions ce soir au bar. Oui, au bar. Sur le bar. Donc, saviez-vous qu'à la Saint-Patrick, on devrait porter en fait du bleu? Parce que Saint-Patrick lui-même se serait fait pincer les fesses parce qu'il ne portait pas de vert. Sa couleur, c'était le bleu de Saint-Patrick. Donc, Saint-Patrick's Blue. Ah. Un bleu très pâle. La couleur verte a commencé à être associée à la journée de la Saint-Patrick seulement après son lien avec l'indépendance irlandaise, un mouvement qui est arrivé à la fin du 18e siècle. OK. Ça aurait donc dû être bleu. Saint-Patrick était britannique. Évidemment, même s'il a posé sa marque, si on veut, on l'a connu parce qu'il a essayé d'introduire le christianisme en Irlande en 432, après J.C. Lauzon. Patrick n'était pas irlandais lui-même. Il est né de parents romains en Écosse ou à Wales. À la fin du 4e siècle. Les Irlandais prennent la Saint-Patrick au sérieux. La journée de la Saint-Patrick est très, très, très populaire en Irlande. C'est une fête nationale en Irlande et dans le Northern Ireland. Donc, deux endroits où on célèbre cette journée-là avec un congé. Ah ben. Comme on fait avec la fête du Canada. Oui. Même chose pour les New-Yorkais qui prennent ça très sérieusement. À New York, la parade de la Saint-Patrick est une des plus grandes parades au monde. Depuis 1762, 250 000 personnes marchent dans cette parade-là sur la 5e avenue à pied. La parade ne permet toujours pas de flotte, de voitures ou d'autres trucs modernes, donc c'est toujours à pied. OK. La Saint-Patrick à New York. Ben, à Montréal aussi, c'est une très, très grosse fête. C'était la 191e en fin de semaine. Sans blague. Oui, j'espère que je t'ai pas coupé un truc. Non, est-ce que t'es déjà allé? Non, je suis jamais allé. Je sais pas pourquoi. Ça, je donne jamais. Je sais pas, la Saint-Patrick a jamais été une fête que j'ai vraiment fêtée. Bon. En fait, est-ce que je fête dans la vie? Non. Bon. Chicago, c'est aussi un grand spectacle, la Saint-Patrick. La ville qui célèbre cette fête-là en mettant du colorant. Vert dans la Chicago River depuis 1962. Devine combien de tonnes ça prend de colorant. Ça c'est pas petit, là. C'est 40 tonnes. OK. De colorant. De colorant dans la rivière pour avoir cette teinte festive. Des lumières LED la nuit, non? Pourquoi pas, tu sais? Ce serait plus simple. Hein? Oui. avant, c'était une fête sèche. Ce qu'on appelle une fête sèche, c'est-à-dire qu'on ne buvait pas d'alcool. Pendant pas mal tout le 20e siècle, la Saint-Patrick était considérée comme une fête strictement religieuse en Irlande. Ce qui voulait dire que les pubs, donc les bars, étaient fermés le 17 mars. La seule exception, c'était les vendeurs de bière lors du Dog Show, le Big National Dog Show, qui était à chaque Saint-Patrick. Une affaire de chien, des culbutes de chien. En 1970, la journée a été convertie en fête nationale et on a recommencé à prendre de l'alcool. Chance! T'imagines-tu leur gros... Enfin, tu sais, pris hors contexte, là. La seule place où tu peux prendre de l'alcool, c'est un concours de pirouettes de chien. Tu sais, parce que c'est tellement plate, là, qu'il faut que tu te divertisses autrement. Imagine vers quoi ça menait quand tu bois de l'alcool et tu côtoies des chiens. Ben, oh mon Dieu. Eh bien, c'est de ma chienne. Ouais. C'est comme ça que toutes les dérisions de ce monde ont commencé. Entre 1999 et 2007, le village irlandais de Dripsy était très fier de dire qu'ils avaient la plus petite, la plus courte parade de la Saint-Patrick au monde. La route, donc, durait 26 verges. C'était le chemin entre deux pubs, deux bars. Donc, aujourd'hui, Hot Springs, en Arkansas, a le titre de la plus courte parade de la Saint-Patrick, qui mesure 98 pieds. C'est ainsi qu'ils ont commencé aussi la tournée des bars. Et le carnaval étudiant s'emporte mieux depuis. Ouais, name it. Comment est-ce que le shamrock, tu sais, c'est le petit trèfle, le shamrock, a commencé à être associé avec la Saint-Patrick? Et bien, selon la légende irlandaise, le Saint-Patrick, donc, utilisait ce trèfle à trois feuilles comme métaphore pour la Trinité, donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Okay. Quand il a introduit le christianisme en Irlande, il se servait de ce trèfle-là. Ouais. Dans la légende, en fait, dans l'histoire irlandaise, Saint-Patrick, c'est lui qui reçoit le crédit pour ça. C'est lui qui a sorti des serpents d'Irlande. Il y a toute l'affaire dans la mythologie. Bref, les scientifiques modernes suggèrent que c'était peut-être pas si difficile que ça d'éliminer les serpents. Selon les fossiles, l'Irlande n'a jamais vraiment eu de serpents. Donc, à travers l'âge de glace, Ice Age, l'Irlande était trop froide pour avoir des reptiles, et donc les mers autour empêchaient les serpents d'envahir. Donc on pense de façon plus moderne, plus dans notre époque, on pense que les serpents que Saint-Patrick a réussi à éliminer n'étaient seulement qu'une métaphore. Il n'y a jamais vraiment eu physiquement de serpents. Serpents, c'était peut-être les vilains. Les vilains pingouins? Oui, mais les méchants, comme j'enlève les serpents. Serpents! Ils jouaient au serpent à échelle. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Un mélange des deux, je pense. Les méchants. Les serpents faisaient glisser en bas. Fallait toujours que tu recommences. Ah! Ah, mot à dire. Le monde coûte cher d'alcool. Oui, la Saint-Patrick, partout dans le monde, Colin, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font de la bière. Un estimé en 2012 nous dit que le montant total dépensé sur la Saint-Patrick, sur les célébrations de la Saint-Patrick, ce jour-là, le 17 mars, ça monte à 245 millions. Et tout ça, c'est avant les types, les... OK. Les pourboires... De ton bar. Quand même, quand même. Ben, l'année passée, c'est-tu l'année passée qu'il y a eu, un mort au défilé de la Saint-Patrick? Je sais pas. Oui. Je me rappelle pas. Ben, je ris, là, mais c'est pas drôle. Non, j'imagine. Ben, le gars, il était saoul, puis il est tombé par terre, puis un char allégorique qui a roulé dessus. Ben, tu sais, ça roule à 1 km/h. Comment peux-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pauvre gars. Ouais. Ça aurait pu être, et non pas la Saint-Patrick, mais la Saint-Méwin. Mm-hmm. Selon la légende irlandaise, Saint-Patrick, à l'origine, s'appelait pas Patrick. Son nom donné à sa naissance était Méwin Socket. Donc, il a changé son nom à Patricius, après être devenu prêtre. OK. Patricius. Patricius. Patricius. Il n'y a pas des leprechauns. Comment est-ce qu'on appelle ça, des leprechauns? C'est les petites personnes. Leprechauns. Je pense que c'est des lutins, c'est peut-être que ça. Oui, des petits lutins. Donc une créature humanoïde imaginaire, c'est ça, du folklore irlandais, souvent représenté sous forme de vieil homme, vêtu de rouge ou de vert. C'est des farfadets. Farfadets. Le lutin ou farfadet du folklore français. Voilà. Boum. Non, attends un peu. Non, ouais, boum, peut-être, mais je le retire instantanément. Ah! Le leprechaun est rattaché aux créatures du petit peuple et parfois comparé ou confondu avec le lutin ou le farfadet du folklore français. C'est pas la même chose. Oh, OK. OK. Donc, on va continuer d'appeler ça des leprechauns dans notre article ici. Donc, il n'y a pas de femelle, de femme leprechaun. Même si on voit des décorations, des fêtes qui montrent des lady leprechauns, dans le folklore irlandais traditionnel, il n'y a pas de femelles, de femmes leprechauns, seulement de petits garçons, de petits hommes. Mm-hmm. Et finalement, l'économie du leprechaun va très bien. Leprechaun qui, dans le fond, c'est ceux qui... on parle tout le temps d'or et de leur chaudron d'or, mais ils méritaient l'or qu'ils gardaient. Selon la légende, les leprechauns passaient leur journée à fabriquer et à réparer des souliers. Donc, c'est du travail très, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'ils gardaient, qu'ils protégeaient leur peau d'or. Cool, hein? Ben oui, c'est le fun. Voilà. Et c'est tout pour cette portion de son foutu palmarès sur la Saint-Patrick. Tantôt, on va faire le top 15 des secrets de la productivité de la part d'écrivains. très prolifique. On va aussi faire l'histoire des Lucky Charms, 50 ans de Lucky Charms en 65 petits symboles. Oh. Je pense que la liste va être plus rapide que 65, on passera pas la prochaine record là-dessus. Ne vous en faites pas, mais c'est au retour, c'est à venir dans l'assemblage requis. Pour l'instant, petite pause musicale. On s'en va entendre justement pour la Saint-Patrick, Pif Paf Hangover. Pif Paf. Comme je les appelle en français, Bif Baf Lendemain de Veille. Voici 12 Pack pour la Saint-Patrick parce qu'on va boire un 12 Pack. C'est à peu près ça. C'est le lien que j'ai trouvé. C'est bon, c'est bon. Bif Baf Gueule de Bois. Bif Baf Lendemain de Veille, comme vous. On les aime. En plus, il y a Jésus, sa couverture. On dirait vraiment Jésus. Oui, quand même. C'est beau. Autant, je vais finir mon petit bol de Lucky Charms. Pour vrai, j'ai mangé Lucky Charms ce matin. Ah oui? C'est bon! Avec du lait? Ben oui. Combien de pourcentage? Zéro. Sans lactose? Sans lactose. Parfait. Et on raconte tour déjeuner au retour à Assemblage Requis. Les 24 et 25 mars prochains, de 13h à 20h, Emma Québec, le département des sciences infirmières, le service de santé de l'UQTR en collaboration avec les étudiants en biologie médicale vous invite à une grande collecte de sang dans le hall du pavillon Albert-Tessier au 3351 boulevard des Forges à Trois-Rivières. Le lundi 24 mars et le mardi 25 mars à l'UQTR de 13h à 20h, donnez du sang, donnez la vie. Mmh. Cette année encore, les soirées cachées C'est fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est fou ou synthonisez le 89.1. Radar Jeunesse, une émission animée par des jeunes du secondaire qui trippent à faire de la radio. Joins-toi à nous, écoute Radar Jeunesse tous les samedis de 9h à 10h sur les ondes de C'est fou. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. C'est fou. 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, tantôt, on était en plein cœur de son foutu palmarès. Oui. On est en train de parler de choses de la Saint-Patrick. Qu'est-ce qu'il y a de plus Saint-Patrick qu'un leprechaun? On a parlé de ça tantôt aussi. Ben oui, tout à fait. Et les leprechauns, on retrouve ça dans des céréales, des fois. Pas ça les peut arriver. Pas les gens, mais leur, leur mascotte. Donc, continuons avec une autre partie de son foutu palmarès. Et on fait les 50 ans de Lucky Charms en 65 petits morceaux de guimauve que dans les bols de céréales. Parfait. C'est cute. Lucky Charms. À travers leur histoire, c'est vraiment cool. Donc, ça a commencé avec un bol de Cheerios et quelques arachides de cirque. Donc, les Lucky Charms, ça a commencé comme ça. C'est des peanuts qu'il y avait dedans. OK. Des peanuts, un peu comme ma copine Phil le matin en mettant son yogourt, des peanuts puis des affaires comme ça pour faire son petit déjeuner santé. Ça ressemblait à ça. Mais avec ces ingrédients de base-là, John Holahan, le vice-président de chez General Mills, a décidé de faire des expériences un petit peu. Lui et son équipe avaient 6 mois pour créer une nouvelle marque de céréales qui allait être un succès chez les enfants. Donc l'équipe de Holahan est allée à l'épicerie et c'est là qu'ils ont découvert, qu'ils ont eu l'idée de rajouter plein de sucre dans leurs céréales. Ouais. Ça n'a pas l'air révolutionnaire aujourd'hui de rajouter du sucre dans les céréales, mais à l'époque c'était nouveau. Oui. Donc Lucky Charms c'est devenu la première céréale avec des guimauves dedans. Et donc, le vrai déjeuner des champions célèbre cette année son 50e anniversaire. Et donc, on va parler des petits Marbits, des Marshmallow Bits, des morceaux de guimauve. C'est comme ça que la compagnie appelle ça, des Marbits, qui sont apparus dans les boîtes de Lucky Charms à travers les années. C'est selon mentalfloss.com. OK. Donc, commençons entre 1 et 4. C'est évidemment les petits trèfles. Oui. Ça, c'était le premier. Donc, les trèfles verts, les cœurs roses, les étoiles oranges et les lunes jaunes. C'était les premières guimauves dans la première édition des Lucky Charms à l'origine. Donc, ça n'a pas changé pendant plus d'une décennie, même si les céréales elles-mêmes ont changé. Quand la marque, donc, dans le fond, la marque Lucky Charms, au départ, ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif de vente. La solution est devenue très évidente encore pour eux, de rajouter encore plus de sucre. Donc, en 1967, les morceaux d'avoine se sont fait garnir de sucre et les ventes ont évidemment augmenté quand on a ajouté ça sur les céréales. Les guimauves, c'était pas assez, t'sais. Non, non. Plus de sucre. Guimauve de sucre, si tu me donnes des céréales plates, c'est pas mieux. Ensuite, numéro 5, c'est les diamants bleus. Oh. En 1975, General Mills a ajouté une cinquième Marbit, donc c'était le diamant bleu. Ça a été enlevé 20 ans plus tard. Donc c'est resté quand même un bon 20 ans. Quand même. Le morceau de diamant, c'est un genre de cube de diamant, si on veut. Ensuite, le fer à cheval mauve. Oui, les Marbits, donc, étaient populaires, dans le fond, avec la mascotte Lucky the Leprechaun. Par contre, le pied de cheval, si on veut, le fer à cheval, qui a été ajouté en 1983, a donné à Lucky, la mascotte, le pouvoir d'accélérer les choses. Donc, c'était l'idée derrière la chose. Il y a peut-être du marketing autour de chaque forme de guimauve. Donc, ça la rendait plus rapide. Ensuite, on parle des Swirled Charms. Il y a eu des couleurs qui ont été mélangées littéralement en 1984. L'usine a fait une erreur et il y a plusieurs, donc comme on dit, des batchs, donc plusieurs, si on veut, ensembles de céréales qui ont eu des Marbits avec des Swirls, donc un tourbillon de couleurs dedans. En 1986, ils ont donc présenté la baleine mélangée, Swirled Whale. Donc, il n'a pas réussi à vendre plus, donc ça a été discontinué assez rapidement. Mais c'est revenu, les Swirls, les Tourbillons, c'est revenu en 2009. Ils ont fait leur comeback, leur retour. Wow! Ouais. Ben, c'est la mode. C'est la mode. C'est la mode dans le marshmallow, les Tourbillons. Dans le marshmallow. Mange mon lot. Les Ballons Rouges. Ballons Rouges. Quand Lucky le Leprechaun a célébré son 25e anniversaire en 1989, il a fêté avec un ballon rouge, un Marbit en ballon rouge, qui est resté dans le la lignée permanente de Lucky Charms pendant un bon bout de temps. OK. Ensuite, les Holiday Lucky Charms. En 1989, l'édition des fêtes était quand même assez simple. Des Marbits rouges et verts dans différentes formes des fêtes, donc des sapins, des cannes, des étoiles, un petit soulier, je sais pas trop pourquoi. Ah ouais? Une boule de Noël. Ah, je pensais pas. C'est cool quand même. Oh, un spécial Noël. Des petites fêtes, on aime ça. Ensuite, les arbres verts, tiens. Édition spéciale, arbres verts. Et tu pouvais avoir, en fait, si t'envoyais deux codes UPC, un vrai petit arbre, si t'envoyais le coupon en carton. Donc, Lucky Charms, qui était plus eco-friendly, donc écologique, avec son édition limitée de 1991, si tu mangeais assez de petits arbres verts et t'envoyais ton petit code, t'allais avoir ton propre arbre. Ensuite, l'arc-en-ciel. Rose, jaune et bleu. Ces Marbits-là ont fait leur début en 1992 et donnaient à Lucky le pouvoir de la téléportation. OK. Intéressant. Ensuite, le pot d'or. Tu sais, c'est la marque de commerce de Lucky le Leprechaun. Le petit pot d'or, eh bien, c'est devenu une guimauve. Un guimauve, est-ce que c'est féminin ou masculin, un guimauve? Oh. Mais bon. Donc, c'était un morceau. Vérifie. C'était jaune et orange. Ça a été introduit en 1994. Ensuite, la lune bleue. Donc, on ne sait pas si ça donnait vraiment le pouvoir d'invisibilité à Lucky le Leprechaun, mais son arrivée en 1995 a fait disparaître la lune jaune. Donc, on a présenté la lune bleue et ça a remplacé la lune jaune. Ensuite, le chapeau vert. En 1996, un petit chapeau vert avec, encore une fois, le symbole du trèfle dessus a remplacé juste le trèfle d'origine qui était une des premières. En fait, c'était le seul qui restait de l'original, de la version originale des Lucky Charms. Donc, on s'est débarrassé du trèfle pour le remplacer qu'un chapeau avec un trèfle dessus. J'imagine que c'était plus facile à fabriquer à l'usine. Qu'un trèfle. Peut-être moins fragile aussi. Peut-être, oui, ça se défait sûrement moins en morceaux. Ouais. Donc, le trèfle vert qui était parti, mais qui est revenu en 2004. OK. Le trèfle tout seul. Puis c'est une guimauve. Une guimauve. Oui. D'accord, féminin. Ensuite, 17 à 22, c'est les guimauves olympiques. Donc, c'était pour aller avec les Jeux olympiques d'été de 1996. Lucky Charms a lancé l'édition olympique des céréales avec 6 nouveaux Marbits. Donc, rouge, vert et bleu. Ça, c'est pour des étoiles rouge, vert et bleu, un peu comme le drapeau des États-Unis. Mais en fait, pour aller avec le drapeau des États-Unis, même si les étoiles sont juste blanches sur le drapeau. Médaillon d'or avec une étoile à jaune dans le centre. Ensuite, un arc-en-ciel rouge, bleu et blanc. Et finalement, une torche. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une torche en français? C'est pas mal une torche, je pense. Ben, est-ce que c'est une lampe? Une lampe de feu. Je pense qu'on peut dire torche, mais bon, bref, on va dire lampe, ouais, c'est plus beau. Disons ça. Jaune et verte. Ensuite, les Marbits Twisted Marbits, donc tordus en 1997, quatre formes classiques, donc la lune, le ballon, le petit fer à cheval et les cœurs ont reçu un genre de transformation extrême avec deux couleurs chaque. Donc c'était les positions 23 à 26. 27, c'est les montgolfières roses. Oh. Qui ont fait la première apparition en 1997. 28, c'est l'étoile filante. Après plus de 30 ans, donc une autre Lucky Charm, une autre Marbit originale, qui est l'étoile orange, a été retirée en 1998, remplacée par l'étoile filante orange, qui est facile à distinguer parce qu'il laisse une petite trace blanche sur la guimauve. Donc la guimauve en tant que telle est genre une forme de porte-voix, si on veut. OK. Avec le blanc, qui est l'étoile filante, et l'étoile en tant que telle, qui est jaune à l'avant, donc facile à distinguer. Les doubles étoiles filantes ont fait une courte apparition en 2005. 29 à 36, c'est les Marbits Voyage autour du monde. En 1998, donc Lucky Charms a fait un petit voyage autour du monde dans son édition spéciale qui rendait hommage à certains des endroits les plus connus du monde. Avec 8 nouvelles formes, les pyramides dorées, la tour Eiffel qui était bleue, le pont Golden Gate qui était orange, la Liberty Bell qui était mauve, les lampes, torches, vertes et jaunes, la tour de Pise qui était... flambeau. Flambeau, voilà le mot. Flambeau, bravo. La tour de Pise qui était blanche et rose, l'horloge Big Ben qui était rouge et blanche, et finalement les Alpes, les montagnes en vert et blanc. Oh. De 37 à 44, c'est Rodolphe et ses amis, donc la version hivernale de Lucky Charms. On rappelle qu'on parle encore une fois des formes de guimauve de Lucky Charms à travers l'histoire. Oui. En 99, une autre boîte édition limitée, Winter Lucky Charms, avec 8 nouveaux Marbits, donc les cannes de bonbons rouges et blanches, des icicles, donc des petits glaçons bleus. Des patins à glace mauve, des arbres verts, des Rodolphe bruns et rouges, stockings, je crois que c'est un bas de Noël, jaune, pardon, des bonhommes de neige blancs et gris et des mitaines oranges. Ensuite, numéro 45, c'est l'astronomie. En 1999, General Mills a présenté une édition spéciale Man in the Moon. Donc, on parle d'une face de lune. Donc, c'est rien de bien, bien spécial. Man in the Moon. 46, c'est des voitures de course. Ah oui? Ça, c'était en 99. On a eu des arcs-en-ciel pétillantes, multicolores. Comme s'il n'y a pas assez de sucre dans les Lucky Charms. Donc, éléments brillants. Des sparkling rainbows. Vendu entre 99 et 2000. C'est cute, ça. C'est comme des sprinkles. Oui. 48 à 54, encore une fois, version hivernale des Lucky Charms with Holiday Marshmallows. Donc, en 2001, cette nouvelle Marbits, ou je sais pas si... Là, je me demande si c'est vraiment masculin ou féminin des Marbits, mais bon. Donc, ça, c'est des Marshmallow Bits. T'as des arbres de Noël, bonhommes de neige, décorations, cannes de Noël. Comment est-ce que t'appelles ça, le truc, genre de sapin en rond qu'on met sur la porte? Là? Ah, une... genre une couronne. Une couronne, couronne de Noël. Des cadeaux et puis des bas de Noël. Ensuite, t'as les boules de cristal. Ça, c'est spécial. Entre 2001 et 2006, deux différentes versions des Marbit boules de cristal ont été introduites. Donc, dans les deux cas, on ajoutait du lait dans le bol et ça révélait quelque chose sur le futur. En 2001, c'était où était caché Lucky. Et en 2006, tu posais une question à tes céréales et ça répondait point d'interrogation, Y ou N, pour oui ou non. Oh! Quelle excellente idée. C'est cool. Guimauve, boule de cristal. 56 et 57, c'était des étoiles magiques et des clés cachées. Donc, la boule de cristal a très bien fonctionné. Donc, il y avait aussi des étoiles magiques. En versant du lait dans ton bol de céréales, une étoile allait apparaître en plein milieu de ces Marbits-là en forme d'orange. En fait, non, en forme de lune couleur orange. Même technique a été utilisée en 2003 et en 2005 pour les Hidden Key Marbits, donc une clé cachée, qui apparaissait sur la guimauve. Bon, c'est cute ces affaires-là. Très cute. Moi, j'aime ça. Moi aussi. Et il y avait même une version au chocolat de la même chose, donc les Chocolate Lucky Charms. Ensuite, justement, les Chocolate Lucky Charms, parlons-en plus en détail. Ça a pris 40 ans, mais les Lucky Charms ont changé leur recette pour la première fois en 2005 en présentant les Chocolate Lucky Charms, qui avaient, elles aussi, des guimauves. Donc, entre autres, l'étoile filante. Les Berry Charms en 59 maintenant, donc pas 59 l'année, mais 59 dans le palmarès, ça monte très vite. Comme ça monte vite, oui. Donc les Chocolate Lucky Charms étaient assez populaires pour que la compagnie change encore une fois la recette en 2006 pour présenter les Berry Lucky Charms, donc aux fruits des champs. Entre 60 et 63, c'est des Spooky Marbits. Oh, Spooky! Spooky épeurant pour l'Halloween, donc macabre, version 2006. C'est la version Halloween qu'on a, où on a révélé quatre nouveaux Marbits. T'avais les Brown Bats. Si on était mardi, on pourrait faire des blagues sexuelles avec les Brown Bats. Oui, on s'en reparle demain. On s'en reparle. C'est les chauves-souris brunes. Blue Ghost, donc les fantômes bleus. Les chaudrons verts et roses. Et le livre de sorts, de sortilège jaune. OK. Ensuite, le sablier jaune en juin 2008, un Yellow Hourglass, donc qui a aidé Lucky à contrôler le temps, est devenu le nouvel ajout permanent de General Mills depuis plus d'une décennie. Donc, on a recommencé à mettre des affaires nouvelles dans les Lucky Charms récemment. Et pour terminer, pour l'édition 50e anniversaire des Lucky Charms, c'est cette année. Donc, on parle de 50 années magiques avec le retour des trèfles verts. Ah oui! Ah ben, ça, c'est bien. Et ça, c'est seulement chez Target Target. Donc, le 50e anniversaire de Lucky Charms, on peut présentement acheter chez Target aux États-Unis la version rétro d'une boîte édition limitée remplie que de trèfle vert, donc ça remplace toutes les guimauves. On dit que même le lait devient vert quand tu manges Lucky Charms. C'est l'édition plein spéciale. Plein de colorants. Oui, tellement. colorant vert, ça doit être tellement bon pour la santé. Ouais. Donc voilà pour le palmarès top 65 en moins de 12 minutes des guimauves de Lucky Charms à travers l'année. Génial. Bravo. J'ai vu aussi qu'il y avait des doubles guimauves récemment au Québec. Je sais pas si c'est une édition spéciale. Je me rappelle pas qu'est-ce que c'est comme guimauve. Mais je me semble que c'est double. Non, ça, c'est des Fruit Loops. Oh, OK. Qu'il y a des 8 à la place des O. Ah. Je mélange mes céréales. Ah oui. Mais là, je suis dans les Lucky Charms cette semaine. J'avoue, mon... La semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être les nouvelles Fruit Loops. Ah, que j'aime les céréales. Je suis un grand fan de céréales. Ah oui? Aux États-Unis, il y a des... je t'avais déjà parlé, je pense. Je sais pas si c'est à toi ou à quelqu'un d'autre. Je te confonds, comme je confonds mes céréales. Il y a d'un bar à céréales où tu peux regarder des dessins animés le matin. Puis tu manges tes... En pyjama, tu manges des céréales dans un bar. Génial. C'est vraiment cool. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Le mystère de la Vierge belge qui brille toute seule. Sûrement pas. Donc, c'est une statue toute simple de la Vierge Marie qui trônait depuis longtemps dans la cuisine d'une famille belge. Mais l'effigie de la mère du Christ est devenue l'objet de toutes les spéculations en raison d'un phénomène étrange. C'est dans la petite commune de Jalhe, située non loin de Liège, que l'étrange phénomène s'est déclaré. Alors qu'un couple de retraités possédait depuis longtemps dans la cuisine de son pavillon une statue de la Vierge, celle-ci s'est mise à émettre une surprenante lumière à partir du mois de janvier dernier. La statuette aurait en outre tendance à s'allumer en présence de personnes et s'éteindre quand elle est toute seule. OK. Depuis, ce phénomène qui se déroule quand l'obscurité est tombée attire une foule de curieux. Ils sont parfois plusieurs centaines à se presser près de la demeure de ce couple, espérant être les témoins de l'étonnante luminescence, tandis que l'on commence à lui attribuer des vertus thaumaturges, notamment pour les maladies de la peau, ou je dirais pour combattre les maladies de la peau, on pourrait dire ça comme ça. Cette manifestation est d'autant plus intrigante qu'elle aurait commencé le jour de l'anniversaire de la première apparition de la Vierge à Banneux en 1933. Or, la statue est une reproduction de cette Vierge de Banneux qui se serait manifestée à 8 reprises à une fillette en 1933, l'apparition qui a été reconnue par l'Église en 1949 et qui donne toujours lieu à d'importants pèlerinages. Intrigué et prudent, l'évêque de Liège a envoyé le recteur du sanctuaire de Banneux sur place et une théorie rationnelle privilégierait la piste d'une phosphorescence naturelle du plâtre. Reste néanmoins à expliquer l'apparition soudaine de cette lumière alors que la statue était éteinte depuis si longtemps. Peut-être qu'elle est radioactive aussi, on le sait pas. Nos journalistes d'enquête sont sur la piste et ils nous amèneront plus de détails, bien sûr. Une dame a payé un assassinat avec l'aide d'une télé. OK. Pour tuer son mari, en plus, une Argentine de 37 ans a engagé un assassin qu'elle a rémunéré avec une télévision HD et une caméra. Heureusement plutôt pour l'époux, eh bien, il a survécu à cet attentat. Béatrice Teleg, une Argentine de 37 ans, a opté pour une récompense particulière pour éliminer son mari, une télévision HD et une caméra. Or, le tueur Agage, âgé de 30 ans et issu d'un milieu social défavorisé, n'a pas pu accomplir sa mission. Selon la police locale, Claudio Brizuela, le mari de Teleg, a reçu plusieurs coups de couteau par l'assassin alors qu'il marchait dans la rue de Quilmes à Buenos Aires, délaissé par le tueur qui le croit est mort. Il est parvenu ensuite à gagner à pied un commissariat avant d'être conduit à l'hôpital. Il a survécu et son état est toujours jugé critique, par contre, par les médecins. L'assassin et la dame de la victime ont été arrêtés puis placés en détention. C'est ce qu'on a annoncé jeudi dernier, ce qui a été annoncé par la police d'Argentine. Ben oui, hein? Aïe, aïe, aïe. Séparez-vous donc au lieu d'essayer de vous tuer. Peut-être c'est ça. Juste un petit conseil comme ça. Je dis ça comme ça. Une escadrille d'ovnis qui serait en route vers la Terre. Eh bien oui, les caméras présentes sur la Station spatiale internationale auraient récemment filmé de mystérieux signaux lumineux. L'hypothèse d'une flotte d'ovnis s'acheminant vers la planète bleue passionne les ufologues. Comme bien souvent, il est bien difficile de sourcer l'origine précise de cette vidéo récemment mise en ligne sur YouTube et sur laquelle on peut observer une très intrigante escadrille d'ovnis évoluant à grande distance de l'ISS. Donc, des objets volants non identifiés. Ça, c'est clair que ça peut exister. De là à savoir s'ils sont pilotés par des petits gris ou des hommes verts, on ne le sait pas. Les images auraient été enregistrées le 11 mars dernier lors de la diffusion sur le flux retransmis en live grâce aux caméras disposées sur la Station internationale spatiale. Et de fait, la séquence s'avère particulièrement saisissante. Alors que la caméra est braquée sur un ciel sombre, on voit apparaître soudainement un point lumineux, puis deux, puis trois, puis une myriade s'acheminant de concert dans la même direction. Impossible de cependant distinguer la moindre forme sur ces points. Selon les internautes qui ont posté cette vidéo, qui se représente sous le nom de Shepard Hannard, ces ovnis seraient en route vers la Terre. Il demeure cependant très difficile d'évaluer la trajectoire de ces phénomènes lumineux qui, jusqu'aux dernières nouvelles, ne sont pas encore manifestés dans notre atmosphère. Si les images semblent avoir été réellement tournées depuis la Station spatiale internationale, on peut les trouver dans la séquence originale à 2h19:56 et plusieurs hypothèses plus classiques que celles de l'escadrille d'ovnis peuvent être avancées. Reflet inattendu rentré dans l'atmosphère de débris spatiaux. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être ces temps-ci, il y a beaucoup de comètes, il y a beaucoup de météorites qui rentrent dans notre atmosphère terrestre. Alors, je pense que c'est plutôt plusieurs débris qui sont rentrés, les débris d'une comète ou la queue d'une comète ou d'astéroïdes qui ont brûlé tout un après l'autre. C'est pour ça que ça fait un, deux, trois, puis d'un coup, il y en a plein. C'est plus, d'après moi, c'est un nuage de débris qui se consomme dans notre atmosphère. Mais bon, ça, c'est ce que moi, j'en pense. Sinon, on s'en fait encore une ou deux. Oui, ici, c'est escroqué de 27 000 euros par un faux prince Harry. Eh bien oui, un artisan autrichien a été récemment victime d'une arnaque. Un certain prince Harry lui propose un contrat juteux sur Facebook pour rénover le palais de Buckingham. En échange de 27 500 euros de caution et de d'autres frais, il n'a réalisé la tromperie qu'après avoir versé la jolie somme. Mais quand même, est-ce que vous croyez vraiment que le prince Harry va vous contacter par Facebook pour vous faire un contrat de rénovation du palais de Buckingham? Come on, sérieux. En tout cas, faux prince, mais un vrai escroc. Cet internaute nommé le prince Harry a réussi son plan machiavélique en se faisant passer pour une tête couronnée sur Facebook avant d'extorquer 27 500 euros à un artisan. La victime, un petit entrepreneur de l'état du Burgenland à l'est de l'Autriche, s'est vu offrir via Facebook un contrat de 1 million d'euros pour rénover les parquets du palais de Buckingham par un certain prince Harry. Alléché par cette proposition mirobolante, le candidat n'a pas hésité à virer la somme de 27 000 euros en guise de caution et de frais de création d'entreprise en Angleterre sur le compte du prince. Sauf qu'il n'a jamais pu exécuter le contrat. Une enquête pour déterminer l'identité de l'arnaqueur est toujours en cours. Ben oui, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et puis, sinon, est-ce qu'on a... Oui, on va aller avec ça. La Sainte-Patrick, eh bien, aujourd'hui, hein, bonne fête à tous les Irlandais et bonne fête à presque tous les Québécois, parce que beaucoup de sang irlandais coule dans nos veines. Hein, presque, je pense, c'est un Québécois sur deux a du sang irlandais qui lui coule quelque part dans les veines. Et puis, quand on a juste écouté notre musique folklorique, pour le découvrir, hein, c'est assez facile, ne serait-ce que nos pièces de trad, là, du traditionnel, autant que du Paul Piché, puis des vieux bands comme ça. Puis aujourd'hui, hein, tout ce qu'on a dans le trad, ça marche beaucoup, les pèlerins, etc., les tireux de roche, puis les frères Lemay. On n'est pas loin de la gigue, parfois, hein, et du reel irlandais. Alors, saviez-vous que, on va aller voir des trucs que peut-être qu'on ne sait pas par rapport à la Sainte-Patrick. En ce 17 mars, l'Irlande entière s'arrête pour célébrer la fête la plus populaire de ce pays, forte d'une communauté représentée partout dans le monde. L'Irlande a rendu l'événement international et nombreux sont ceux qui iront boire une pinte ou plus en sortant du travail ce soir. Hein. Quelques chiffres montrent l'attrait de ces gens pour cette fête. En 2013, le jour de la Sainte-Patrick a été célébré par plus de 70 millions de personnes à travers 6 continents. Et sont par exemple chaque année 13 millions de pintes de Guinness qui sont consommées à travers le monde, alors que l'Irlande compte à elle seule moins de 5 millions d'habitants. Par ailleurs, selon un site américain de statistiques, 46% de la communauté anglophone affirme célébrer ce jour. Certains clichés doivent tomber, comme la fête que la Sainte-Patrick n'est pas originaire d'Irlande, mais celle du Pays de Galles. Le nom de Sainte-Patrick n'était pas Sainte-Patrick, mais en fait, Miwin Suka. Enfin, durant des années, la couleur la plus communément associée à cette célébration était le bleu. Hein? Le vert étant considéré comme un signe de malchance. Le bleu de la Sainte-Patrick fut considéré comme le symbole de l'Irlande des siècles et des siècles durant, et les armoires du pays l'utilisent encore et toujours, cette couleur, aujourd'hui. Le jour de la Sainte-Patrick n'est pas juste un jour férié en Irlande, c'est aussi un jour de congé officiel sur l'île de Montserrat, dans les Caraïbes, une petite île d'environ 4000 habitants vers laquelle de nombreux Irlandais ont immigré au 17e siècle. Suivant cela, la tradition, le premier ministre irlandais offre chaque année un bol de cristal rempli de trèfle au président américain immédiatement après le trèfle qui a été cultivé dans le comté de Kerry en Irlande est détruit par les services secrets. Ah ouais, OK. Pour des raisons de sécurité, nul n'est autorisé à offrir de la nourriture ou une plante au président américain. Le premier défilé, c'est vraiment particulier ça. Le premier défilé ayant marqué la Sainte-Patrick ne s'est pas déroulé en Irlande, mais plutôt aux États-Unis. C'est le 17 mars 1762. Des soldats irlandais servant dans l'armée britannique ont défilé à travers la ville de New York. La parade, accompagnée de musique, visait à aider les soldats à renforcer leurs racines. Alors, je vous dirais, joyeuse Sainte-Patrick. Et en l'honneur de la Sainte-Patrick, aujourd'hui, j'ai le goût d'aller écouter du Alan Stivell. Et on va en écouter sûrement plus qu'une. On va commencer avec quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour les plus jeunes, c'est pas vrai. Pour les plus vieux, je vous dirais, dans la vallée de Dana, est-ce que ça vous dit de quoi? Moi, je vous dirais, les gens qui sont âgés entre 45, 50 ans, entre 25 et 45 peut-être, doivent connaître cette pièce dans la vallée de Dana. Eh bien, c'est une pièce traditionnelle irlandaise. Cette fois-ci, je vais vous faire jouer une version qui est plutôt même en celte, qui est chantée par Alan Stivell. On va aller écouter la pièce Trí Martolod. Et vous allez reconnaître, je suis sûr, cette pièce-là, cette terre-là. Et vous allez voir, c'est pas loin de nos racines, cette musique celte. On écoute ça tout de suite. It was a show, and I give a love mais le Nesco est connaissant, ça qui voulait grandir. La la la la la la la, qui voulait grandir, mais le Nesco est connaissant, mais le Nesco est connaissant, ce qui fait le Nesco est connaissant. Écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Jean-Samuel Gay, sa chronique PRNDS. Bonjour Jean-Samuel. Hey, salut Fafrette. Et salut Fafrette toi-même. Et aujourd'hui, j'entends. Oui, Steve. J'entends dire. Steve! Le patois québécois, Steve! Donc, non, pas toi. Steve, le patois. Ah, pas toi. Ah, drôle. Ben, bof. Ben là, t'as dit drôle, bof. J'étais un jeu de mots de me lever et d'aller me les geler dehors. Il faisait froid, mais finalement, c'était bien correct dehors. Donc, Jean-Samuel, bonne fête mutuelle entre toi et moi. Moi, c'était hier, toi, c'est aujourd'hui. Donc, Tout à fait. Bonne fête. Bonne fête. T'as quel âge? 31 ans. Les sacs sont du chaud. Oh! C'est pas par la bouche. Steve. Donc, Jean-Samuel, on parle de voitures comme à toutes les semaines. Et je te vois avec ton petit catalogue Sears de voitures. Je sais pas trop ce que c'est. C'est-tu le guide du pool de char? Ça, c'est un guide très intéressant, même pour les journalistes automobiles. Okay. C'est Protégez-vous. Ah. Sur l'automobile 2013. Édition spéciale, c'est un fucking bon guide. Okay. Qui donne des descriptions brèves, mais très précises, puis toujours pertinentes. Si jamais vous magasinez un véhicule, faites pas confiance aux journalistes automobiles, parce que c'est tout des vendus. Il l'a dit. Steve! Ben, vous pouvez vous fier sur ce guide-là. Protégez-vous. D'ailleurs, s'occupe de plusieurs catégories de produits, puis ils les décrivent tout le temps avec beaucoup de recherches. Comme le guide de jouets qu'ils font aussi, protégez-vous. Ils exactement, en font d'autres laveuse, portable, téléphone cellulaire, etc. Fait qu'il y a toujours des sujets hyper intéressants. Puis en termes d'automobile, ils sont sur la coche. Des descriptions qui sont toutes reliées à la fiabilité des véhicules, ce qui est un des critères les plus importants en termes de choix automobile. Fait que pour ce qui est des... Tu vas pas te procurer ça pour les détails, genre combien il y a de porte-verre, là, mettons. Exactement. C'est vraiment pour l'aspect technique de la voiture, comment elle va. Tout à fait. C'est un court texte d'à peu près 150 mots, avec, tu sais, c'est des phrases assez courtes, décrivant les différentes caractéristiques du véhicule. Tout ce que vous avez besoin de savoir, moi, je trouve ça idéal. Puis c'est tout classé avec des étoiles, donc de 1 à 5 étoiles pour la fiabilité. Fait que c'est super bien fait. Je trouve ça hyper précis. Moi, j'adore ce guide-là. Puis en plus, ça me donne des informations sur le véhicule que j'essaie cette semaine. Mmh. Oh! Véhicule qui attire l'attention. Beetle. Beetlemania. GSR. En fait, GSR, ça veut dire Gelb, Schwarzer, Renner. Ce qui veut dire jaune, noir, course. Ça aurait été moins le fun en français, la nouvelle jaune, noir, course. La jaune, noir, course. Parce que elle est fucking jaune, noir, et elle est pas tant de course que ça. Pas tant de course. Elle est beaucoup plus jaune et noir. Est-ce qu'elle vient avec une fleur? Non, ça vient pas qu'une fleur. Ils l'ont masculinisé un petit peu plus cette année avec, en fait, depuis la dernière refonte. Des lignes qui ressemblent un petit peu plus aux voitures Porsche. On est vraiment loin des voitures Porsche quand même. Mais les lignes arrière sont un petit peu plus masculines. Mais malgré ça, ça a gardé une bonne réputation de voiture de fille. Surtout jaune pétant comme ça avec la ligne noire. Tu sais, t'as l'espèce de t'as tout le kit airline qui la rend plus sportive, mais ça change rien. La voiture est... C'est meilleur l'abeille quand même, mais jaune et noir. Et voilà. Fait que c'est... Puis en plus, c'est en lien avec la GSR de 1973, de la vieille coccinelle, qui était déjà plus masculine. Oui. Moi, j'aimais bien ces coccinelles. Je trouve ça cute. Je me sens en avoir une, même si c'est apparemment pas très sécuritaire et pas très bon. Non, malheureusement. Puis, c'est ça. Ouais. La motorisation en arrière des essieux arrière, comme on retrouve actuellement dans les véhicules Porsche, genre de véhicule qui se fait plus. C'est comme mettre le cheval en arrière de la carriole. Okay. Pour qu'il pousse. Voilà. C'est intéressant, les véhicules Porsche. Ben, coccinelle. D'ailleurs, la première Porsche a été faite ainsi. C'est une coccinelle qui a été modifiée. Ah! Absolument. C'est ben... Cool. Oui, tout à fait. On ne croyait pas. On non, non, comme moi aussi. Blague ou pas? En 1956, les amis. Non, mais j'y aurais pas cru, moi. Non. Et la Beetle, qui était une petite voiture intéressante. Le fun à conduire. Le seul problème, c'est que les gens à l'extérieur du véhicule voient que t'es à l'intérieur. J'ai une réputation avec ça. Toi, t'es du genre à ça, à te soucier du fait que les gens te regardent parce que t'es dans une coccinelle. Ben, ça me dérangerait pas si les gens faisaient juste me voir, mais là, ils me pointent du doigt. Ils me jugent. Genre des roches. Je les comprends. Tu sais, quand t'as une madame avec sa fille qui te passe en avant de toi rien quand t'es à l'épicerie. T'attends ta copine, t'es comme, c'est pas mon genre. Ah, mais peut-être un petit autocollant, genre critique automobile, si ce n'est pas ma voiture. Ouais, ça me tentait d'avoir ça. Mais écoute. À place du baby unborn. Ouais. Je dois malheureusement avouer que malgré le look discutable, elle est super le fun à conduire. Okay. Les produits Volkswagen sont d'une précision, c'est des tanks. Des petites voitures, le fun, une bonne suspension. On a une motorisation aussi, 2 litres turbo. Malheureusement, jointe à une boîte DSG, ça c'est à double embrayage, hyper précise, qui est moins le fun que la boîte de vitesse manuelle, qui est excellente, et qui, avec le moteur, lorsqu'on n'est pas en mode sport, vient un petit peu amortir l'effet du moteur 2 litres turbo. Puis quand on est en mode sport, ça met trop d'accent dessus, puis est trop présente, puis... Malheureusement, elle manque un peu de fluidité puis de sportivité. Tu sais, j'avais une BMW la semaine dernière, puis c'est sûr qu'on peut pas comparer les deux ensemble, mais juste au niveau de la boîte automatique, il y avait déjà une énorme différence, notamment dû au fait qu'il y avait 8 rapports au lieu de 6. Mais quand même, la boîte DSG, ça fait un excellent travail. Puis on a même des palettes de changement de rapport au volant, ce qui est complètement inutile. Okay. Quand est-ce que tu t'en vas sur une piste avec ta coccinelle, de toute façon? Rarement. Véhicule qui est probablement le plus près d'une conduite de Golf GTI, qui est un excellent véhicule. Ça existe encore, les Golf, là? Absolument. Puis en plus, il arrive cette année. On va avoir ça dans les alentours d'avril-mai, avec la version de la 7e génération de la Golf, donc la MK7, qui va être à tout casser. D'ailleurs, en Europe, elle est déjà sur les routes et elle a déjà gagné le prix du véhicule mondial de l'année 2013. Elle est même pas sortie partout dans le monde et elle gagne déjà le prix mondial. Puis solidement à part de ça. Wow. Il arrive avec une nouvelle plateforme MQB qui est une plateforme modulaire qu'ils vont utiliser pour tous les modèles. Ça, dans le fond, au lieu de prendre une plateforme différente, qui est dans le fond tout le bas du véhicule pour toutes les voitures, ils vont prendre la même qu'ils peuvent ajuster puis transformer. Aha. Ce qui fait une économie d'argent, mais aussi permet dans le fond d'avoir... Parce que développer un véhicule, tu sais, mettons, tu pars de rien, là, ça coûte entre 1 et 2 milliards de dollars. La marge est oui. Tellement mince. Voilà! Quelle est la dernière auto qui a coûté 1 dollar d'après toi? Voilà! On n'a jamais entendu parler. Avec une plateforme modulaire qui est en passant hyper légère, bien construite, super bien adaptée, à ce moment-là, ils peuvent développer à partir de cette plateforme-là. C'est comme d'avoir des fondations d'une maison qui sont excellentes. Une plaque de Lego verte, toute mince. Tout à fait. Oui, cette fameuse plaque que tu essayais de joindre avec d'autres plaques, mais ça fonctionnait pas. Une espèce de joint. Le tape tient pas. Tu manquais de l'école pour jouer au Lego plus longtemps. Souvenir. Belle époque. Fais une petite anneau de fumée. Hey, on peut-tu faire une parenthèse sur où tu veux pas? Il veut? Oh, OK. Il est rendu à la cigarette électronique, le monsieur. C'est extraordinaire. Mais j'avais déjà arrêté de fumer. Dans le fond, j'étais passé de la cigarette au patch. Et patch plus gomme. Patch plus gomme plus cigarette qu'on trouve dans les dépanneurs. Là, en allant aux États-Unis, je suis allé m'acheter une vraie bonne cigarette électronique qui m'a envoyé la nicotine direct dans les veines. Mais ça va super bien. Puis ça redéfinit un petit peu les normes concernant où est-ce que je peux fumer. À la garderie, peu importe. Ben, pour de vrai, oui. Moi, je fume dans les salles de classe. Ben oui. Puis personne ne peut rien dire, même s'il y a un gros nuage de fumée. Ben, c'est... de vapeur. C'est de la vapeur. C'est ça, mais ça ressemble à de la fumée. Mm. Ouais. Je trouve ça bien drôle. Ça fait bizarre. J'adore ça. Ouais, c'est, ça sent frais en studio. Ça sent la pêche. La menthe? Non, la pêche. Pêche. Est-ce qu'il va essayer? Non, merci, ça va. Bien sûr. C'est à cause de mon feu sauvage, c'est ça? Vous voulez pas l'essayer? C'est ça. Feu sauvage, vous voulez pas l'essayer? Gang de l'or. Ils sont dessus, les préjugés. Hein? Puis après ça, ça se promène en Beatle. Puis. Mais pour revenir à la Beatle, est-ce que c'est juste moi? Sûrement, parce que je connais rien. Mais il me semble qu'on n'a pas vu tellement de New Beatle depuis les dernières années. On dirait que la mode était au début des années peut-être 2000. Est-ce qu'ils ont continué d'en faire quand même à chaque année depuis? Absolument. Puis le dernier modèle, pas la génération qu'on a en ce moment. L'ancienne génération a été là pendant 8 ans, ce qui était pas mal trop. Mmh. Puis là, on en voit sur les routes, j'en ai vu une jaune hier, mais qui semblait dater de vraiment longtemps, puis elle n'était plus jaune, elle était vraiment, tu sais, comme une espèce jaune de... jaune délavée. C'est ça, ouais. Tu sais, les couleurs pastel. Elle était vraiment... Fait que, oui, ça a du véhicule, ce genre de voiture-là. Puis malheureusement, à cause des fleurs qui venaient de série dans les voitures, cette réputation-là de voiture de fille, mais non, ils en vendent... Ils en vendent toujours et depuis la dernière génération, ça attire aussi l'attention. Puis, comparativement à une Golf, t'es quasiment assis dans le milieu du véhicule. Fait que t'as une espèce de centre de gravité qui est hyper intéressant. La conduite est le fun. Le problème, c'est que ça attire l'attention. Pour les mauvaises raisons. Ben, au pire, tu te fais faire un paint job de la mort là-dessus. Non, tu peux pas te faire refaire ta peinture, ta carte. T'aurais dû l'acheter à la base d'une autre couleur. Ouais, ça. Parce que ça semble être ce qu'ils ont fait. T'sais, ils ont mis une espèce de peinture jaune, mm-hmm. et un look sportif. Tu sais, l'intérieur est à tout casser. Là. Si je mets un foulard sur tes yeux, je l'enlève quand t'es rendu à l'intérieur, tu vas faire « Wow, ouais, l'intérieur est cool. » C'est dans quoi qu'on est? On est dans non. Une Beatle! Non! Puis, mais ça attire tellement l'attention. Puis, la comparatif avec une Golf qui est comme plus affilée, plus avec des formes qui sont un petit peu plus précises. Tu sais, la Beatle à côté a l'air d'une espèce de grosse hippopotame un peu handicapée. Les formes sont si rondes et tu sais c'est pas très sportif, c'est pas les plus belles lignes qu'il y a sur le marché. Puis Volkswagen s'entête à garder ce véhicule là probablement pour attirer une clientèle qui est plus féminine, mais elles sont déjà conquises par les formes de la Golf, fait, ou de la Jetta. J'ai une copine qui s'est acheté une Jetta récemment puis elle est très contente. Puis ils ont pas besoin d'arriver avec un véhicule qui est spécialement pour la jambe féminine. Et de toute façon, jambe féminine, si vous pensez vous acheter une Beatle, considérez donc la Golf à la place. Considérez que vous allez avoir un copain qui va être obligé de la prendre un jour. Voilà. Et faire rire de lui. Exactement. C'est la même situation qui arrive. Prenez-la aussi avec une boîte de vitesse manuelle. Excellent choix. Puis c'est ça, j'ai hâte que mon essai soit fini. Ah, tu penses à quoi la prochaine fois? Mon véhicule n'est pas encore réservé. D'habitude, c'est réservé des mois à l'avance. Puis là, j'avais un tour le 24. Je sais que dans deux semaines, j'essaie le Grand Cherokee Diesel avec la nouvelle motorisation. Beaucoup d'espoir de ce côté-là. Cependant, le Grand Cherokee Diesel arrive avec un prix de départ équivalent au Cayenne Diesel Porsche. Ouais. Ça peut, ouais. Ça peut être une remise en question, hein? Quand tu peux te permettre les deux. JP a une réponse pour toi. Moi, j'ai juste un regard de et ça veut dire quoi, ça, déjà? Ça veut dire que, dans le fond, ils ont pris la motorisation diesel, ils l'ont mis dans le Grand Cherokee avec le plus d'options. Fait qu'au lieu de le mettre dans le modèle de base qui débute à 40 000 $, ils l'ont mis dans le modèle avec le plus d'options. Ah, donc, oui. Ça vient totaliser 65 000 $. Et si tu veux ces affaires-là, t'as pas juste passé à ce grade-là, donc. Exactement. D'accord. Puis tant qu'à passer à ce stade-là, tu vois l'autre après. Tu irais à 65 000 $, t'arrives dans la même fourchette de prix que le Cayenne Diesel. Fait que là, la question, c'est, OK, est-ce que j'achète un Grand Cherokee qui est bien construit, l'intérieur est joli, sympathique, motorisation diesel qui vient juste d'arriver, qui n'a pas encore été éprouvé, ou un Porsche Cayenne qui est prestigieux, qui est là depuis un certain moment avec une sacrée motorisation de 406 livres-pieds de couple, ce qui est énormément de couple à bas régime. En passant, la différence entre les chevaux vapeur et le couple? Ouais, j'imagine que je la sais pas, non? La puissance et les chevaux vapeur. La puissance, c'est calculer en chevaux vapeur. Ouais. C'est à quel point tu peux aller vite. Ouais. C'est à quel point tu peux atteindre les vitesses qui sont élevées. Le couple, qui est calculé en livres-pieds, c'est comment tu peux aller vite rapidement. Ha! D'accord. Donc, le couple te permet d'avoir une bonne accélération. Fait que quand t'as 407 livres-pieds de couple, tu sais que quand tu pèses ça suce, ça avance, ça déménage. Puis il n'y a rien comme des motorisations diesel pour avoir un couple à bas régime. C'est vraiment typique de ces motorisations-là. D'ailleurs, dans les gros pick-up, on atteint des chiffres assez épouvantables. Tu sais, des F250, des F350 diesel, on atteint des chiffres comme 800 livres-pieds de couple de série. Fait que c'est hallucinant. Pour traîner des grosses charges, c'est idéal. Couple à bas régime qui est aussi le nom d'un couple qui s'entraîne beaucoup trop, genre. Un bas régime. Ils ont un bas régime. Ben. J'imagine. Ça. Je voulais te laisser faire. Mais non, ça m'inspirait pas. Non, c'est ça, moi non plus, non. Finalement. Comme en fait, il y a le potentiel, mais on... Non. Le potentiel, il est caché comme toujours. Si on vient à ta cigarette électronique, moi j'ai envie de remplacer, Jean-Philippe, on pourrait remplacer tes ailes de poulet. T'as envie de me remplacer? Non, de remplacer les ailes de poulet par les ailes de plastique. Oh. Comme lui, il remplace sa cigarette par une cigarette électronique. Moi, je pourrais remplacer, mettons, mes bangs. Tant que ça se fume. C'est ça, tant que ça se fume. Fume un bang. Les saveurs. Les saveurs. C'est l'arôme. L'arôme. C'est oui. Ça. Quand est-ce qu'on va te chercher un permis de conduire, mon cher? Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'on parte là-dessus avant la fin de la session. Il faut quand même faire une télé-réalité, une radio-réalité là-dessus. Commençons avec le premier processus. Okay. T'inscrire ou prendre un rendez-vous à la SAQ. Exact. Et sort le téléphone. OK. Attention. On met ça en onde. Tu es capable de faire ça? Oui, OK. Non, ça marche pas. Appelle le numéro. Appelle donc voir SAQ. Il nous reste 8 minutes. On va voir qu'est-ce que ça donne. Appelez SAQ à matin. SAQ, Trois-Rivières, Google. Pour une réclamation, faites-le 1. Je suis sûr qu'on est capable de te pogner un rendez-vous. Un rendez-vous là. OK. Mathieu, tu t'attendais pas à ça ce matin? Tu l'as permis? OK. Ah, c'est bien fait. Ils sont tous triés par région. Donc. Au long, là, ça. 8-1. Non, là, c'est, ça. Non, ça. Faut que tu fasses le 9. Ah, c'est parce qu'il faut que je raccroche. Non, non, faut pas que tu fasses le 9. Faut pas que je fasse le 9. Non, ça, je sais. Okay. OK. OK. Donc, c'est le 819. 377. Pourquoi elle fait un enregistrement? Attends un peu. Hein? Non. Hein? 819. Mais appuie sur la gâchette. C'était un message enregistré. Si je fais off, là, il raccroche pas. Wow! C'est ça? Ah, là, ça marche. 819. 819. Ouais. 377. 377, c'est fort un peu, ouais. 5-1-1-4. Wow, hein? C'est un gros succès à date, oui. Mais je te remercie d'avoir essayé, par contre. Je te remercie. Ça s'en occupe, j'ai pas d'écouteurs. Non, c'est ça, ça sonne comme bip, mais je pense qu'il fallait faire le 1 avant. Je pense qu'il faut faire le 1, 8, 1, 9. Non, c'est non, on appelle pas souvent. Pas se poser. On appelle souvent, ça l'affaire. Mm. Tellement de brassage de grosses business. je te trosse pas. Non, tu me trosses pas. C'est comme si j'essayais de remettre ça encore la semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine où je vais le remettre à dans deux semaines. Ça ressemble à étrangement Mathieu, à ça. Mathieu, on le voyait pas, là, mais depuis tantôt, il arrête pas de gosser après le fil. C'est ça. Il essaie de l'arracher. Puis le bip, il a jamais eu lieu. C'est juste moi qui faisais. Salopard. Jean-Sébien, on clie dans le Zone Campus sur deux semaines. Il y a un nouveau numéro qui sort la semaine prochaine. Absolument, absolument. On s'en vient, on travaille là-dessus. On suit sur Facebook. Oui, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Jean-Samuel Guy. Sinon, en passant, vous pouvez aller me souhaiter bonne fête, mais ben oui. Je ne porterai pas attention à ça. Ça ne fait que polluer mon mur. Sinon, je vous invite. J'ai toutes les flochées. Oui. Ne pas afficher sur mon mur, ne pas afficher. Je passais tellement proche d'enlever ma date de naissance avant-hier. Le jour avant ma fête, juste pour être sûr de genre, parce que j'aime pas l'attention, tu sais, ben, tu sais, étant ironiquement animateur de radio. Mathieu, tu n'aimes pas l'attention! Que dirais-tu qu'on se le partage? Ça me semble juste. Une sale. Donc, c'est ça. Non, j'ai failli l'enlever, mais toi non plus, tu l'as pas enlevé. Puis là, tu trouves que ça pollue ton mur. Là, tu chiales contre les gens qui t'ont souhaité bonne fête sur Internet. Là, c'est un peu méchant. Non, non, non. Je trouve que c'est une belle attention. C'est juste que là, je sais plus où est-ce qu'on est rendu dans mes. Ça me fait perdre le fil de ce qui se passe. Mais c'est non, j'adore les... Pauvre petite chouette. J'adore les belles attentions. Je me souviens que le monde prenne la peine. Puis, tu sais, de toute façon, avant Facebook, les gens te le disaient juste pas. Mais ils savaient pas. Ils le remarquaient pas. Ils ont trop d'amis dans la vie. Là. Ou ils t'appelaient pour de vrai. Ouais. Ils t'achetaient un vrai cadeau. T'es pogné pour leur parler. Refusaient leur cadeau, puis qui était exactement le cadeau que tu leur avais offert plus tôt dans l'année. Oui, à Noël. Hey, c'est parce que c'est moi qui t'allais acheter, je le sais. Fait que, non, moi j'aime bien les petites attentions, puis de toute façon, si on se le fait pas sauter de même, c'est pas comme si quelqu'un le savait ici. C'est pas comme si vous, même vous deux, vous l'auriez pas su. Jamais, si jamais. Ça n'avait pas été de ça. Ben, tu sais, sûrement que t'es dans les dossiers d'employés, sûrement que Jean-Philippe pourrait le partager. Je l'aurais su là, là. Tu l'aurais probablement su, dans les prochaines heures. J'imagine. Il y a sûrement un pop-up dans son petit logiciel de comptabilité qui dit, oui. dit bonne fête à tes employés. Oui. Genre. Ben pour de vrai, oui. Mais en attendant, j'ai assez ça. Je suis comme là, mais non, ils s'en foutent. Là. Arrête. Là. S'en foutent. Arrête. Je veux pas connaître les employés sur les notes jeudi. Partagez la vidéo du Range Rover et de la CLA. On sort une nouvelle vidéo vendredi prochain. Et c'est de la BMW 428 et du Highlander en Floride. On est allé en fin de semaine essayer la 428 chez LKQ Pintendre Auto avec une STI. Pintendre Auto? Ouais, c'est sur la rive sud de Québec. Moelleux. Il y a une grande cour. Non, c'est pas du pain tendre. Cour moelleuse. Non, non, je refuse. Je refuse. Hey, on passe en pause. On pas moi l'animateur. On échange nos animateurs. Soudainement, ça va être toi qui va être à la position. Tu peux faire un test routier avec l'ami. Ton ami. Ah, l'ami. L'ami. Ah, l'ami du pain. Ben c'est oui. Bon. Oui, c'est tu t'en vas sur l'autocroute. L'autocroute. Pouf, mip, mip. Hop, ça va. Oh non, il s'en va. Ah. Et... claque la porte. Puis si tu klaxonnes, ça fait un son. Du son. Ben, elle est facile, hein. Tabarnouche, la mienne autocroute, comme au moins un petit niveau de. On va en avoir une du fun. Excuse-moi, la mienne, elle a pas levé. Non, elle a pas levé, comme la levure. Oui, c'est ça. Ouais, on pourrait continuer vraiment longtemps, c'est vraiment long. T'as comme ça, on pourrait rappeler à ça, c'est pas mal plus le fun. Bref, Jean-Samuel Gay, bonne continuité dans ton fumage de bâton de plastique avec cartouche à l'intérieur. À saveur de pêche. Saveur de pêche. N'est-ce pas extraordinaire? Tu t'es acheté plusieurs saveurs? Ouais, j'ai acheté pêche, cerise, raisin. Pomme goût bizarre. J'ai acheté pomme aussi. Goût bizarre. Ah, ouais, pomme goût bizarre. Il y a un petit arrière goût. Pomme sorte de pain, on pourrait revenir au joke de pain. Ouais. Avant, continue. Quand c'est frais, c'est pas. Ah oui. Ouais, bon. J'ai aussi pogné, puis ça, c'est assez surprenant, Marlboro rouge. Hein? Ça rentre dans Crack à Jack. Tu sais, quand tu fais une bonne puff de cigarette, là, ça goûte fucking la Marlboro. C'est intense. Ah non, c'est solide, ça. Tu sais, t'as l'impression de fumer une vraie cigarette. Ouais, Marlboro, ouais. C'est très sacoche. Pas sûr. Mais, j'ai pris le Marlboro, je l'ai pris un petit peu plus fort. C'est comme tu sais, c'est en pourcentage de nicotine. Je l'ai pris un petit peu plus fort. Des fois, je le mélange avec pêche, fait que ça goûte pas, mais c'est juste assez intense. Parce que pêche tout seul, le plus faible, je peux fumer ça pendant jusqu'à vitam aeternam. Mm. Puis je suis jamais vraiment satisfait. Ça va coûter cher ton affaire, je pense. Non, le pire, c'est que ça coûte pas si cher que ça. C'est ça m'a coûté à peu près 50 pièces aux États-Unis. Puis à date, je rentre dans mon argent puisque je n'ai pas fumé une cigarette. Et je suis en pleine santé puisqu'il n'y a que de la vapeur et de la résine de vapeur dans mes poumons en ce moment. T'as l'air en santé. Très bon début à ta nouvelle année de vie. Merci. Je me regardais dans le miroir un matin en disant le contraire. Donc, Jean-Samuel Gay, tu vois, il y en a qui pourraient dire, ah, tu sais, dans les autres radios, mettons, c'est 5-6 minutes pour faire une chronique, c'est pas vraiment long, tu sais, mais gars, tu vois, nous autres, on a passé 20 minutes à dire absolument n'importe quoi d'autre que son sujet, tu sais. On a fait des jokes de pain, pas de cigarettes. Oui, mais tes jokes de pain étaient mi-chaud, mi-froid. Oh, mi-chaud, mi-froid! Et on a parlé aussi que la Beatle était sexuellement questionnable. N'est-ce pas? Hein? Voilà. On te retrouve tous les mardis à 7h30 ici même à l'Assemblage Requis. Oui, tout à fait. Bonne journée à toi. Toi aussi. Oui, merci. Donc, on va continuer tantôt avec Marie-Laurence Audet qui vient d'arriver. C'est la chronique Le Loisir. Bien en plus, puisqu'un jeu s'en vient, elle a amené un dossier. Et là, quand on parle d'un dossier, on pourrait littéralement se mettre le dos dessus et on serait confortable lombairement parlant. C'est un gros dossier. Je sais même pas si ça a rapport avec son sujet, mais avec elle, c'est ça l'important. Ça traînait dans le corridor. C'est ça. Ah, tu sais, nous autres, depuis qu'on a mis la poubelle en avant de notre studio depuis quelques mois. Là, ah, mais là, c'est plus ce temps-là. Non, je sais, quelqu'un l'a déplacé, quelqu'un d'intelligent, sage, beau, brillant. Brillant. Pour l'instant, pour aller avec la New Beetle, tu sais, où t'as l'air d'un clown dedans. Voici Carnival de Mark Brew, je sais pas. Cette blague-là, est-ce que tu trouvais qu'elle avait. Il manquait de viande. C'est ça. Carnival. Carnival. Ouais. Carnival. Ouais. Oh yeah! My band for hire, find a cancer in a bank of songs. I'm on a find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rice. Find some graffiti on my china place. Got a happy hammer for the refined taste. And now the school yes clean. The basement full of all the dandelions. The kids could pull. Find some entitlement. some hints to sway. A conversation for my vanity page. And now the typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong by my Christmas faith. The angels shine on the lips of a few in the shadows of les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On parle ici de cette jeune fille, cette jeune Anglaise qui, à 16 ans, a décidé de quitter son prof de maths qui est en prison pour son nouveau prof de sport. Hein? Ben oui, sûrement que le prof de maths s'est retrouvé là à cause de Mademoiselle. Mais en tout cas, on va aller voir, peut-être pas. L'année dernière, une jeune Anglaise de 16 ans fuguait avec son professeur de mathématiques de 31 ans. Emprisonnée, elle lui avait promis d'attendre sa libération pour reformer leur couple. Il y a un an, l'affaire retentissait en Europe. En février 2013, une collégienne de 15 ans avait disparu avec son professeur de mathématiques. On en avait parlé ici même au dîner de cons, je me rappelle. Jeremy Forrest, âgé de 31 ans, ils se sont retrouvés dans le sud de la France, à Bordeaux, peu après un mandat d'arrêt européen. Jeremy Forrest est condamné à 5 ans et 5 mois de prison pour enlèvement d'un enfant. Et oui, hein, détournement de mineurs plus que solide. Tandis que sa femme demande, elle, le divorce, sa femme de l'époque. Le couple a tenté de rester en contact. La jeune fille continuait à lui envoyer des lettres d'amour en prison dans lesquelles elle déclarait, entre autres, qu'elle l'attendrait pour toujours et qu'elle voulait avoir un enfant de lui. mais les lettres ne lui sont jamais parvenues. La prison refuse de lui transmettre les messages. Les services sociaux leur interdisent de s'adresser la parole avant que la collégienne ait atteint ses 18 ans. La jeune fille, dont l'identité ne peut être révélée pour des raisons légales, aurait alors tourné la page. Aujourd'hui, elle est âgée de 16 ans. Elle serait en couple avec son professeur, assistant de sport de 20 ans. Sa mère, elle, n'y voit pas d'inconvénient. Et je la cite, « Il est très gentil, nous l'avons accueilli dans notre famille et je suis très contente pour ma fille. » Mais j'avoue que 16 et 20 ans, pas beaucoup de différence quand même. Alors, hein, c'est cela. En Chine, ça c'est très très triste, cette nouvelle, vous allez voir. C'est la chair est triste en Chine, car plus de 25 millions de Chinois seraient mariés avec des hommes gays. Le phénomène est si répandu qu'il a même donné naissance au néologisme le Tongyi, qui désigne ces femmes prises dans une union sans sexualité ni amour. Mais il doit avoir le même genre de mariage, ouais, j'avoue, côté femme. Il doit avoir les mêmes genres de trucs. Il doit avoir des hommes qui sont mariés avec des lesbiennes, sûrement. En tout cas, on va voir, peut-être l'article va nous en apprendre un peu plus. Donc, plus de 25 millions de Chinois seraient mariés avec des hommes gays, et ce qui donne les Tongyi, OK? Ce problème de société a éclaté au grand jour l'été dernier lorsqu'une femme de 31 ans s'est suicidée après avoir constaté que son mari était gay. En Chine, les hommes subissent de fortes pressions. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Ils subissent de fortes pressions de la part de leurs parents pour transmettre leur patronyme à la prochaine génération. La chose n'est pas exclusive à ce pays, mais la politique de l'enfant unique en vigueur depuis 1979 a fait de la progéniture une denrée aussi rare que précieuse. Résultat, de 70 à 90% des gays chinois seraient aujourd'hui mariés avec une femme. 70 à 90%, c'est énorme. L'homosexualité n'est pas un crime en Chine et elle n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis 2001. Les groupes de défense des gays et lesbiennes en pleine effervescence à Shanghai et Pékin se battent depuis 2003 auprès du Parti communiste afin de légaliser le mariage homosexuel et ça sans succès jusqu'à présent. Triste constat, vraiment. Aïe aïe. Sinon, ici, je vais voir le... bon, c'est parfait, on y va avec ça. 60 secondes chrono, tout ce qui se passe sur Terre en une minute. C'est deux journalistes américains qui se sont demandé ce qui peut se passer le temps d'une minute sur notre belle petite planète. Et s'il ne vous restait qu'une minute à vivre, que feriez-vous? Souvent, la question est posée et est l'objet de moqueries, de gêne ou bien de cynisme. Mais quelques faits concrets sont révélateurs de tout ce qui peut arriver dans le monde en une minute. C'est en s'arrêtant sur ces chiffres que l'on comprend à quel point ce court laps de temps et rempli de vie. Tous azimuts, sachez que 12,5 personnes meurent chaque minute en France. Ça, c'est seulement en France, un pays de 60 millions à peu près d'habitants. De manière prématurée à cause de particules fines émises par le diesel, soit 42 000 décès par an. Les particules fines sont responsables de 6 % des décès du cancer des poumons. Cette information est importante dans un contexte où la plupart des grandes villes de France ont connu un fort épisode de pollution dû essentiellement à la présence de particules fines dans l'air. Par ailleurs, chaque minute, la France donne 16 000 euros d'aide au développement des pays du tiers-monde. La France est le quatrième donateur mondial dans un autre registre, on dénombre en France 373 entrées payées au cinéma, 320 entrées dans des musées de France et 10 personnes admirent la Joconde à la minute. OK, c'est un peu plate d'avoir ça par rapport à la France, mais quand même. En termes de consommation, il se vend dans l'Hexagone 20 montures de lunettes par minute, 41 boîtes de pilules contraceptives, 580 brosses à dents et 38 000 mouchoirs de la marque Kleenex. Les Français consomment 218 000 litres de pétrole par minute contre 3 kilowatts d'énergie photovoltaïque. Par ailleurs, en France comme ailleurs dans le monde, on cligne en moyenne 20 fois des yeux par minute, soit environ 28 000 fois par jour et plus de 10,2 millions par année qu'on cligne des yeux, chaque personne. À l'échelle mondiale, la minute n'est pas plus longue et permet diverses activités. Ainsi, ce sont pas moins de 11 319 colis qui sont livrés par UPS en 60 secondes. 2 468 177 kg d'ordures sont générés. Chaque minute, 58 avions décollent et 243 000 photos sont mises en ligne sur Facebook à toutes les minutes et 7,1 milliards de cœurs battent tous en même temps en une minute. De façon plus décalée, on estime à 5113 euros les dépenses de la lingerie en France chaque minute. OK, vraiment très décalé. 83 300 personnes font l'amour dans le monde dans le livre Atlas des comportements sexuels des humains. En ce moment, en une minute, 83 000 personnes font l'amour. 423 bonbons sont consommés en France. Et enfin, pardonnez l'indélicatesse de ce choix, mais il faut savoir que 14 kilos de crottes de chien envahissent les trottoirs de la capitale chaque minute qui passe. Donc, en France, à Paris, 14 kilos de crottes de chien envahissent les trottoirs chaque minute. C'est énorme. Vraiment. Aïe, aïe. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. On va faire celui-là ici. C'est un homme qui réclame plus de 1 million de dollars à la chaîne de restauration rapide McDonald's pour ne pas avoir, pour avoir reçu qu'une seule serviette. Donc, en Californie, un client n'a pas été satisfait de son service dans un restaurant à McDo et poursuit la chaîne et réclame 1,5 million. L'homme avait reçu qu'une seule serviette de table avec son repas. Il s'appelle Webster Lucas et il devait vraiment en avoir plein les doigts lorsqu'il a mangé son Royal Cheese au McDonald's. Donc, c'est le finalement un corps d'olive avec fromage. C'est de même qu'on l'appelle le Royal Cheese. On l'a appris dans Pulp Fiction. Le Daily Mail rapporte que l'homme afro-américain est retourné au comptoir pour demander plus de serviettes. Mais le gérant du restaurant, Angel, lui a expliqué qu'il en avait déjà et marmonné « Vous, les gens, Lucas, un consommateur... » Là, il a trouvé que son commentaire était raciste. Il a juste marmonné, il a pas vraiment compris. L'individu affirme qu'il n'est plus capable de travailler depuis l'incident survenu le 29 janvier en raison de détresse psychologique et émotionnelle. OK... ridicule. Lucas a écrit une lettre à la compagnie décrivant ses sévices psychologiques. Quelques millions de dollars pourront probablement l'aider à se remettre de son expérience de restauration rapide traumatisante. Mais c'est vraiment, mais vraiment n'importe quoi. C'est sûr que le gars, quand tu regardes l'image, tu vois tout de suite qu'il va pas bien. Ça, c'est sûr qu'il a besoin d'aide psychologique. Mais est-ce que c'est à cause qu'il manque une serviette de table? Je sais pas. Hein? Un petit peu particulier, vraiment. Sinon, tiens, allons dans un tout autre ordre d'idées. C'est en image, c'est un vidéo vraiment à voir. Dans cette séquence extraite du film Nuit de glisse 2013, deux wingsuiters professionnels ont réalisé une performance incroyablement dangereuse, je devrais dire. Mathias Wyss et Ludovic Wirth parcourent le monde entier à la recherche des meilleurs spots. Dans la vidéo qui va suivre, ils sautent d'un hélicoptère et vont réaliser un vol en wingsuit au ras de skieurs. Allez voir, vraiment, ça donne rien, je le décrive, là. Les gars plongent et puis t'es vois arriver à une vitesse extraordinaire, passer en haut des skieurs. Il y en a un qui est en parapente et lui-ci se fait dépasser à vitesse hallucinante. Allez voir ces images. Ici, une histoire complètement incroyable. Un jeune enfant à 4 ans marche et parle alors qu'il lui manque une moitié de cerveau. Quand même, Jake Gladstone est un petit miraculé. Alors qu'il lui manque une moitié de cerveau, ce petit garçon de 4 ans peut parler et marcher et même courir. Ce n'est que 6 mois après sa naissance que les médecins ont découvert qu'il manquait une moitié de cerveau à Jake. Ils ont alors annoncé à sa mère Sarah qu'il ne pourrait ni parler ni marcher. La mère très courageuse témoigne et je la cite, « C'est incroyable, quand on regarde les scanners de Jake, on aperçoit cet espace vide dans son cerveau. » La moitié de son cerveau manque, pourtant il est plein d'énergie comme tous les petits garçons de son âge. C'est vrai qu'il est un peu à la traîne au niveau du langage, mais c'est tout. C'est un véritable miracle. Cela n'a pas toujours été facile pour Sarah. Elle était très inquiète. Jake pleurait beaucoup quand il était bébé. Il ne bougeait jamais son bras droit. Un jour, il a pointé son doigt vers mes lunettes et il a dit « orange ». Malheureusement, tout n'est pas rose. Le petit garçon fait régulièrement des crises d'épilepsie et doit suivre un traitement. Mais quand même, il a quand même une vie relativement normale. Pour un petit garçon de son âge, alors tant mieux, on ne peut dire. On ne peut que se réjouir de cette nouvelle. Et restons dans les naissances et les enfants. Je vous en fais une petite dernière ici. C'est un bébé à deux têtes qui a vu le jour en Inde. Une Indienne de 28 ans a mis au monde un bébé à deux têtes mercredi matin à l'hôpital. C'est quand ça? Mercredi matin? OK, mercredi dernier. À l'hôpital Signus Jiki Hindu de Sonipat, il s'agit d'une petite fille. Jusqu'à l'accouchement, la jeune femme ne se doutait pas que son bébé était atteint d'une malformation. Les parents n'avaient pas d'argent pour payer une échographie et donc déceler une éventuelle anomalie. Selon les médecins, les jumeaux qui partagent le même corps ont très peu de chances de survivre. La dissociation est tout simplement impossible. Ben ça, c'est clair, on comprend bien. Allez voir les images sur la page Facebook du Dîner de cons. Hein? Ouf! Sur ce, eh bien, on va poursuivre en musique avec... Oui, c'est ça, je vous avais ressorti la semaine dernière, je vous ai fait découvrir Michael Fraser. Alors, on va retourner avec une pièce de lui. Il y a des gens sur Facebook qui me demandaient, ils disaient qu'ils n'avaient rien trouvé par rapport à Michael Fraser. C'est Michael, M-I-C-H-A-E-L et F-R-A-S-E-R. Michael Fraser, son album s'appelle Gypsy Tech. Et la pièce qu'on va savourer ensemble s'appelle Django Style, remix par, moi je m'en ai dit Madame Shake, parce que, petite déformation, j'aime bien dire ça, mais c'est Adam Shake.

afin d'obtenir un mélange harmonieux. Bien entendu, les morceaux de viande que l'on retrouve dans ces saucisses ne sont pas les meilleurs que l'on pourrait retrouver chez le boucher. Hein? C'est pas un secret, la viande de saucisse est composée de restes. Il n'y a pas de bout de filet mignon là-dedans, je vous le promets. Mais non, mais pour vrai. Même pas de faux filet, même pas de rien, même pas de petit steak deux secondes. C'est juste de la moulée. Hein? Mais pour que tout le reste soit digeste et agréable à manger, des composantes alimentaires sont ajoutées à la mixture. Après avoir été broyées et hachées, les morceaux de viande sont mêlés à de l'ajout d'amidon, donc de la patate un peu, on pourrait dire, de sel et autres saveurs qui diffèrent selon le goût que l'on veut obtenir à la fin. Cela peut être de la moutarde ou bien d'autres épices, de l'eau, du sirop de maïs sont ensuite ajoutés à la mixture pour que celle-ci soit plus onctueuse et pour que la viande soit plus juteuse. Si on peut appeler ça de la viande, hein, c'est une bouette. Après avoir été aérée, la mixture passe dans des machines qui la transforment en plusieurs saucisses suite à un processus pour que les saucisses soient parfumées et aient un goût de salé et de fumé avant d'être emballées et juste après leur cuisson. Les saucisses prennent alors plusieurs douches, dont une d'eau froide et une d'eau salée. La dernière étape avant l'emballage est la vérification. Ainsi, une personne est chargée de vérifier si les saucisses ont un aspect intérieur agréable et qu'elles ne présentent aucun défaut. C'est de la belle moulée hein, qu'on mange. Wow! On s'en va manger des pogos. Yes, sir. Ici, vraiment très sympathique à faire. Mais juste avant, je m'envoie une petite gorgée. Ben oui, on est encore dans notre bière de la semaine. Là. Je vais vous remettre la trame. Ben oui, j'ai le droit. Je suis seul dans mon studio, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, top 12 des meilleures insultes des pays francophones, celles qu'on devrait leur piquer. Hein, je vous explique rapidement, c'est sur Topito. Si vous connaissez pas ce site-là, c'est à connaître vraiment. Il y a toujours des trucs assez sympathiques à y découvrir. Ce sont des tops, des palmarès. Mathieu Plante nous donne souvent la chronique, son foutu palmarès. Ben, Topito, c'est des foutus palmarès non-stop. Aujourd'hui, justement, les meilleures insultes des pays francophones, hein? Et ce site, ben, c'est Français de France. Alors, c'est sûr qu'on va retrouver des petites expressions qu'on utilise ici au Québec. Je vous mets dans le contexte. La France n'est pas un pays si grand que ça. Au bout d'un moment, on tourne en rond et dans la langue, c'est pareil. À moins d'aller chercher des insultes anglaises, arabes ou même allemandes. Et malgré la diversité des jurons français, on peut vite s'ennuyer. Moi, pourtant, je trouve que les Français, ils ont beaucoup d'imagination dans leurs jurons et puis dans leurs expressions. Mais bon, on a décidé de mettre à profit la grande francophonie en allant voir ce qui se disait chez nos amis étrangers et francophones à travers le monde. Et nous avons été servis, je vous envoie ça. C'est un top 10, mais il y a quand même deux extras. Hein? Deux bonus. Bonus 1, eh bien, bourbourg. Bourbourg. OK? C'est en schmiti, en schmi, ça veut dire con. Quelqu'un qui est bourbourg. Extrait, exemple, ce film de Danny Boone nous fait passer pour des bourbourgs. Donc, c'était chez les ch'tis, là. Alors, des ch'timis. Bourbourg. Moi, je trouve que ça fesse pas. T'es un bourbourg. Ah, OK, bon. Puis après. Tandis que un con, je trouve, ça fesse plus. Autre bonus, c'est du français cadien. Donc, de l'acadien peut-être? OK, du cadien en Louisiane. Ce que ça veut dire, c'est personne laide. L'insulte, c'est français cadien. Français cadien. OK, boire autant, c'est un coup de se réveiller à côté d'une face de Picasso. Je les comprends pas encore. Plus tard, on va les comprendre peut-être. Dans le Val d'Autun, Vallée d'Ost en Italie. OK, parce qu'il y a des francophones là-bas. C'est un rabadan. Qu'est-ce que ça veut dire un rabadan? Eh bien, c'est un homme de peu de valeur. Alors, je pensais que Jean-Jacques était mon ami, mais après ce qu'il a fait à ma femme, ce vil rabadan ne mérite que mon mépris. Donc, quelqu'un qui a pas vraiment de conscience, on pourrait dire. Un homme de peu de valeur, un rabadan. Sinon, on va se retrouver un petit peu plus. En québécois, un pogne-cul, ça veut dire une personne paresseuse, quelqu'un qui fait rien. Ah, ça, c'est un pogne-cul. Hein? Et là, on nous le donne. Qu'est-ce qu'on nous donne comme exemple? Les Mexicains sont vraiment des pogne-cul, enfin, c'est ce qu'a dit mon grand-père. J'ai pas entendu grand québécois qui disait ça, mais bon, quand même, j'avoue qu'on utilise des fois un pogne-cul. En camerounais, on utilise le mot allocataire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire quelqu'un de menteur. Arrêtez cet homme, c'est un allocataire. On pourrait l'employer comme ça. OK, un allocataire. En créole, OK? Ah, ça, celle-là, je l'aime. En créole, on dit un trou de qui? Trou de qui? D-K-I. Ce qui veut dire, tout simplement, trou de cul. Ce présentateur météo est mieux que le précédent qui était sans conteste qu'un bon trou de qui. OK. En wallon, hein, ce français qui nous vient de la Belgique, on dit biesse ou biaisé. B-I-E-S-S-E, biesse. Ce que ça veut dire, c'est bête. Et on peut l'employer comme ça. C'est qui ce biesse qui a oublié de racheter la maillot? OK. Moi, je trouve que nos expressions québécoises, elles frappent pas mal. Justement, ici, une autre en québécois, eh bien, c'est le fameux momoun. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être momoun? Ben non, c'est pas, ça n'a pas rapport. Des fois, les gens disent, ah non, c'est, y a une histoire, là, homosexuelle. Non! Ça veut dire quelqu'un qui est peureux, qui est mauviette. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, être momoun. Tu peux avoir des gays qui sont, qui sont vraiment pas momoun. Puis tu peux avoir des hétéros qui sont vraiment momoun, hein? Puis j'en connais pas mal, j'en nommerai pas ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, personne peureuse ou mauviette? Mauviette, et l'exemple, c'est arrête de faire ta momoun et enlève ce cul, ce... et enlève ce clou de ta cuisse. Bon, peut-être que là, il y a raison de se plaindre quand même avec un clou dans la cuisse. En burkinabé, eh bien, le mot tampiri. Tampiri. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire bâtard. Rendez-moi mon bâton, mon bonnet de bain fiefé de tampiri. Donc, ça veut dire bâtard. Un tampiri. Si vous voulez l'employer, allez-y. Moi, je trouve que ça frappe pas. Puis surtout que le pire là-dedans, c'est que quand tu vas insulter quelqu'un ou tu vas y lancer ce juron-là, comprendra pas. Ça a moins de puissance, ça a moins de portée, comme on pourrait dire. Ici, en wallon, le mot cougneux de poille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un enculeur de poule, un vantard, quelqu'un qui dit n'importe quoi. Hein? L'exemple, c'est tu gagnes peut-être plus que moi, mais ta mère est morte, cougneux de poille. OK. Cougneux de poille. C'est bon. En camerounais, ça c'est le deuxième là, avant la fin, le plus important des plus importants, l'expression « chien vert ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est personne ne sait, mais c'est pas très flatteur. Va donc, hey, chien vert. Mais c'est sûr que tu te ferais traiter de chien vert, chien rouge ou n'importe quoi. Me semble, si tu mets chien dans le mot, c'est chien, hein? Ça c'est clair. Et finalement, l'insulte de toutes les insultes de la francophonie entière. Eh bien, mes amis, vous pouvez vous féliciter, vous flatter le dessus des ongles là, sur votre chest. C'est en québécois. L'insulte des insultes, c'est « mangeur de merde ». Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? « Mangeur de merde », bien sûr. Et l'exemple, c'est « Le tenancier de ce débit de boisson est malhonnête ». Mais je m'excuse, mais il n'y a pas un Québécois qui va dire « Le tenancier de ce débit de boisson est malhonnête ». Tu vas plutôt dire le gérant du bar, c'est un esti de crosseur. En plus, c'est un vrai mangeur de merde. Leur expression est pas bonne. Le tenancier de ce débit de boisson est malhonnête. En plus, c'est un vrai mangeur de merde. Non, ça se dit pas de même. Personne dit ça, un tenancier de bar. On va dire au pire, le gérant, le barman. Le barman, c'est un esti de crosseur. C'est ça que tu vas dire, hein? Donc, s'il y en a qui peuvent en montrer, hein, dans les expressions francophones, eh bien, c'est bien. Les Québécois, et on vient de l'apprendre immédiatement ici. Tiens, on va changer complètement de sujet. On va parler de ce gros bébé de 8 mois qui pèse 20 kilos. Il a l'air gonflé à l'hélium. C'est un nourrisson colombien nommé Santiago qui a fait la une dans son pays. La raison, eh bien, son poids colossal et je dirais excessif. Pour un enfant de 8 mois, il pèse 20 kilos. 2 enfants sur 5 souffrent d'obésité en Colombie, d'après la radio Caracol. Santiago Mendoza fait partie de cette catégorie. Oui, tout à fait. Dimanche dernier, Santiago, un bébé de 8 mois, a été transféré à l'hôpital de Bogota en raison de la surcharge pondérale, de sa surcharge pondérale exceptionnelle pour un nourrisson. Santiago pèse 20 kilos à 8 mois, soit le poids moyen d'un enfant de 5 ans. De nombreux spécialistes sont désormais aux soins du « petit Santiago », entre guillemets, oui, car son surpoids est dangereux pour sa santé. D'un point de vue cardiaque, sa graisse risque d'étouffer son cœur. Aïe, aïe! Imaginez, là, il y a un problème d'un obèse morbide qui a 60 ans. Là. D'un point de vue, ben pas 60, 40, parce qu'un obèse morbide, il se rend pas à 60. D'un point de vue sanitaire, il peut attraper de nombreuses infections de la peau. Sa mère ne l'a pas bien lavé et des champignons risquent de pousser sous ses plis de graisse. En revanche, Santiago n'a pas d'antécédents médicaux. Mais là, il y a 8 mois, j'espère, qui serait responsable de son poids. Ses parents l'ont simplement trop nourri depuis sa naissance. Ça, ça me fait penser vraiment aux animaux. Mais je m'excuse, mais c'est ça que ça me fait penser. Aux animaux qui sont trop gros. Hey! Bing, bing, bing! Le maître, t'as juste à y en servir moins de bouffe. Puis même si ton chat, il a l'air d'avoir faim, tu t'en fous. Tu lui donnes rien. C'est pas dur, tu lui donnes un bol par jour. C'est tout. Le reste, c'est de l'eau, mon chum. Les animaux, là, c'est la même chose. Un bébé qui est trop gros. Hey, ping, ping! Le ticoun, arrête de le nourrir de même, puis donne-y un petit peu moins, peut-être, hein? Donc, régime drastique en prévision, enfin. Les médecins ont donc pris en charge l'imposant bébé. Santiago devrait perdre son poids naturellement, puisqu'il est trop jeune pour être opéré. Les aliments gras et le lait en poudre sont interdits pour le bambin. Désormais, il sera essentiellement nourri de légumes verts. Les médecins comptent faire redescendre son poids jusqu'à 8 kilos. En tout cas, hein, c'est beau le monde, c'est beau le monde. Ici, tiens, la folie du selfie fait qu'un homme casse une statue antique en essayant d'en faire un, justement. La mode du selfie peut faire des ravages, comme à l'Académie des Beaux-Arts de Milan. Lundi dernier, un étudiant voulant céder à la tendance du moment a réussi l'exploit de casser une statue antique en se prenant en photo avec elle. Bravo, champion! Donc, dans l'ensemble des musées mondiaux, deux règles sont souvent rappelées à chaque visiteur. Éviter de toucher et éviter de prendre des photos des œuvres d'art. Un étudiant italien n'a pas dû les écouter puisqu'il est l'auteur d'une dégradation d'œuvres d'art à l'Académie des Beaux-Arts de Brera à Milan. Ce jeune homme, dont le nom n'a pas été divulgué, a pris un selfie avec le satyre sous une statue gréco-romaine datant du 19e siècle, voulant se prendre en photo avec, lundi, il a brisé la jambe gauche de cette statue. Heureusement pour cet inconscient, cette représentation était factice. L'original est au musée de Glyphotech à Munich. Fiouf! Donc, les directeurs de musées vont devoir faire attention à ce nouveau phénomène en vogue chez les amateurs de selfies. Le Museum Selfie, principe de se prendre en photo avec une œuvre d'art dans un musée et la poster sur Twitter. C'est la nouvelle mode, le Museum Selfie. Quand même, hein, les super modes Internet, je suis vraiment tanné. c'est vraiment wow. C'est hallucinant. Ici, une pluie de... On va s'en faire une dernière, on va aller en musique après. Une pluie de météorites déclenche une ruée vers l'or spatial en Corée. Donc, c'est le 9 mars, une pluie de météorites s'est abattue dans une région méridionale de la Corée du Sud et depuis, des centaines de personnes arpentent les environs à la recherche de débris provenant de l'espace. Ben, tant mieux! Ça lui fait de quoi faire, en plus. La folie des météorites a atteint la Corée du Sud depuis plus de 10 jours. Des centaines d'habitants se sont en effet jetés dans une ruée vers l'or spatial. L'objectif, trouver des débris de la pluie de météorites qui s'est abattue le 9 mars dernier dans le ciel de la province. Ben, la pluie de météorites, oui, elle s'est pas simplement abattue dans le ciel. Elle a peut-être tombé aussi, c'est ce que les gens cherchent. Dans la province du Jiangsan, au sud, bien sûr, en Corée. 2 jours après l'événement, 2 roches ont été trouvées dans une ville de Jinju et depuis les habitants affluent et équipés de toutes sortes d'instruments pour essayer de trouver ça. Le battage médiatique autour des météorites affirme qu'elles peuvent vous apporter la fortune et déclencher une véritable fièvre de l'or spatial. C'est ce qu'a confirmé à l'AFP un responsable de la direction du patrimoine culturel de Corée. Il faut dire aussi que les habitants ont été largement tentés puisque les 2 roches retrouvées étaient loin d'être petites. D'après les médias, elles pesaient entre 4 et 9 kg et appartenaient à la famille des chondrites. D'abord suspectées, les roches ont été confirmées comme météorites par la Korea Polar Research Institute. Ainsi de nombreux Coréens espèrent désormais ainsi trouver aussi une roche en utilisant des GPS et des détecteurs de métaux, notamment dans les collines et les rizières de la ville de Jinju. Il y a beaucoup de stock encore. Un homme de 36 ans a affirmé avoir déniché une roche de la taille d'un poing et similaire aux 2 autres non loin de là et a été trouvé une roche de 4 kilos. Selon les standards internationaux relayés par les médias coréens, une chondrite vaudrait entre 5 et 10 $ par gramme. La roche de 9 kilos vaudrait donc 90 000 $, largement de quoi motiver les chasseurs de météorites coréens. Mais pas seulement eux, en effet, selon le quotidien Jonghang, un Américain se serait dirigé vers là-bas aussi et est également arrivé dans les parages et aurait généreusement distribué sa carte professionnelle en demandant à la population de lui vendre tout fragment de pierre. Pour éviter cela, le premier ministre Chu Hong Wong a suggéré que le gouvernement s'emporte acquéreur à des fins de recherche et de patrimoine. La TCHAC comptait également déclarer les météorites partie du patrimoine national afin d'empêcher leur sortie du territoire. Nous pensons à des mesures pour prévenir de telles pertes en désignant les météorites comme des monuments, un type d'élément culturel reconnu par la loi. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du TCHAC. C'est la première fois en 71 ans qu'une pluie de météorites s'abat sur la Corée du Sud. La dernière remontait à 1943, date à laquelle la péninsule se trouve encore sous le joug de l'Empire japonais. Alors que les recherches se poursuivent, les chercheurs du COPRI ont commencé à étudier les roches retrouvées. Ils s'interrogent également sur l'objet spatial à l'origine de la pluie. Okay. Selon eux, il s'agirait d'une météorite unique divisée en plusieurs morceaux parce qu'on estime que la météorite s'est divisée en plus de 2 fragments. Il est possible que plus de météorites soient découvertes au cours des prochains jours, a conclu un membre du COPRI. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Ouf, il fait chaud. C'est-tu ce qui est bon pour quand il fait chaud? Enlever notre brassière. Ouais, des conseils comme ça, c'est ce qu'on a dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Piperon. C'est les instructions d'assemblage où on vous fournit un paquet d'instructions, vous l'aurez compris, pour bien vivre votre vie. Commençons par le popcorn. Vous savez, le maïs soufflé, c'est toujours très très bon. C'est même bon pour la santé, naturellement, du popcorn, si on le prend nature, évidemment. Ben non, c'est ça. Mais si on est comme moi, et probablement peut-être vous, toi, Steph, on aime ça avoir du popcorn qui goûte comme au cinéma. Ben oui, ça. Pas à saveur de cinéma comme le plancher collant, tout ça. Juste la saveur de popcorn de cinéma. Je sais pas savoir le cinéma, c'était bizarre. Donc, on nous conseille de prendre du flavacol. Du quoi? Du flavacol, c'est un assaisonnement pour popcorn, pour maïs soufflé. Super, pas cher en ligne. On peut l'acheter vraiment sur Internet et ajouter ça à n'importe quelle salle de popcorn et ça va le rendre plus style cinéma. Et j'ai cherché un petit peu le mot flavacol sur Internet. C'est très en demande. Les gens, il y a des forums où les gens disent aux autres comment en acheter. Le premier, c'est popcorn avec flavacol comme au ciné, enfin, sur recette.qc.ca. Donc, il y en a qui commandent ça, qui en mettent, et apparemment, ça fonctionne. Oui, mais c'est quoi, ça? J'ai cherché ça aussi, en fait, flavacol, sur Wikipédia. Ça vient apparemment de l'acide aspergillique. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, on utilise ça pour faire ce flavacol-là. L'article est quand même assez compliqué, donc j'irai pas... OK, est-ce que j'ai le goût d'ajouter ça vraiment... Ben, il y a peut-être non. des dangers par rapport à ça. Mettons, tu sais, le colorant jaune aussi, là, qu'il y a une controverse là-dessus. Avec je sais ça. Pas. Donc, il y a des articles sur le colorant jaune qui me sortent sur Google quand je tape flavacol. Donc, je sais pas si ça a un lien, mais bref, renseignez-vous sur flavacol. Et apparemment, ça goûte pareil comme au cinéma. Donc, peut-être qu'on peut s'attendre à ce que le beurre du cinéma contienne du flavacol. Peut-être qu'on peut s'attendre à ce que le popcorn du cinéma soit cancérigène. Et peut-être qu'on en mange pas plus qu'une fois par... Par cinéma. Je vais jamais au cinéma. J'haïs ça. Ensuite de ça, tiens. Ah, si tu veux pas avoir l'air d'un idiot en ouvrant une porte, on veut tous pas avoir l'air d'un idiot en poussant au lieu de tirer ou tirer au lieu de pousser. Oh, t'sais. Ça m'arrive tellement tout le temps. Tellement. Si tu vois les pentures, c'est qu'il faut tirer. Mais oui, mais je pourrais juste regarder si c'est écrit « push » ou « pull ». Mais quand c'est pas écrit, c'est comme mettons la porte du studio ici, les peintures sont peinturées de la même couleur que le cadre et non pas que la porte, évidemment. Donc, on a tendance à pas les voir, mais je les vois, les peintures. Donc, c'est une porte qu'il faut tirer. Mais ça, c'est facile. On dirait qu'on a le feeling de où ça va aller. Mais ouais. ça paraît pas trop. Mais c'est plus les portes de centre d'achat, ouais. Tu sais. Même des fois, s'il y a une poignée, des fois, c'est mêlant. Des fois, il y a une poignée, puis faut pousser quand même. Moi, ce qui me dérange, c'est les portes des toilettes. Je déteste les portes de toilettes que quand t'es à l'intérieur du cubicule, qu'il faut que tu tires la porte et que ça prend toute la place. Comment tu fais pour te contorsionner pour passer? Moi, je la comprends pas toute la twist des portes de salle de bain. Mais bon, regarde, hein, c'est comme ça. C'est comme et ça. Et voilà. C'est dit, on l'a dit. On l'a-tu dit? On l'a dit. On l'a-tu dit, les maudites portes? Ah, ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. L'été s'en vient. En fait, la semaine passée, il faisait grand soleil. En fait, peut-être qu'il fait grand soleil lorsque vous nous écoutez en ce moment, je m'en fous. Mais donc, quand il faisait soleil récemment, tu allais prendre une crème glacée et tu prends ton cornet et le cornet va couler. Sur le dessous, peut-être pas dans les places où les cornets sont bien faits, mais quand tu prends des cornets, bon, c'est des fois ça peut arriver, ça coule en bas la crème glacée dans le petit trou en bas du cornet. Ben mettez oui. des guimauves au fond de votre cornet avant de mettre la crème glacée. Puis ça coulera ça pas. Ça coulera pas. Bon, mais ça va pas contourner. Non, ça coulera pas. T'en mets plein. Ça coulera pas. Ça empêche de couler. Oui, mais ça enlève de la place pour la crème glacée. Mais en fait, t'as des guimauves. Puis sont à savoir le crème glacée. Fait. Ben, je tripe pas tant ces guimauves. Je préfère avoir plus de crème glacée. Ah, c'est vrai, t'aimes pas tant les guimauves. Moi, j'adore les guimauves. Ben, mais tout seul de même, c'est comme. Ah oh, non, c'est j'aime bon. Bien mieux de la crème glacée, voyons donc. Ah, oh, en tout cas. Bref, mais c'est, ce qui est le fun, c'est que vu que c'est toi qui as le contrôle sur les cornets, les guimauves et la crème glacée, c'est que tu peux t'en faire plein d'autres après des cornets de crème glacée. Tu vas en avoir plus. Si tu dis il y a moins de crème glacée, non, fais-toi un deuxième. Là. Il n'y en a pas de problème. Dis-moi, il n'y en a pas de problème. Quand quelqu'un est méchant avec toi, là, ça n'a pas rapport dans ce cas-ci. T'as pas été méchant avec moi du tout. Mais quand quelqu'un est méchant avec toi, sois aussi gentil que tu peux l'être. Hein? Comme ça, ils ne pourront rien dire de mal à ton sujet. Tu vas c'est tout le temps eux qui vont avoir l'air du méchant. Ouais, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, par contre. Ouais, je trouve ça aussi. mais bon, il n'y a rien. Bon. On revient au guimauve un peu. Les Nutella S'mores Pizza. Donc, on nous dit, prenez une pâte, évidemment, de pizza que vous avez achetée au magasin préalablement ou faites-la vous-même, comme vous voulez, et tartinez une bonne grosse couche bien épaisse. Je dirais un pot. Un pot de Nutella sur votre pâte à pizza. Ensuite, ajoutez des mini guimauves sur votre pizza. Mettez ça au four 10 à 15 minutes. Ça vous fait un genre de... presque une Pop-Tart au guimauve chocolat, là. Mais à ciel ouvert. Vous pourriez sûrement la plier en deux, faire une calzone même. Mm. Miam, hein? Ça n'a pas l'air délicieux. Mm. S'asseoir sur un gros ballon. Tu sais, les ballons d'exercice, c'était à la mode. Ça l'était. Ça l'est plus tellement. Est-ce que ça l'a encore? Je pense que non. Je sais pas. Mais bref, on dit que s'asseoir sur un gros ballon d'entraînement pendant que vous travaillez, ça peut augmenter votre focus et votre concentration de 50%. Je sais pas si c'est très, très bon pour le dos. Je sais que oui, c'est bon. C'est bon pour la posture. Ouais, y a pas des docteurs, des médecins, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre pour différentes raisons. Ben, je sais pas. C'est juste qu'il faut que tu te tiennes droit. Peut-être que tu seras pas capable de tenir toute la journée non plus. J'imagine, faut que tu y ailles graduellement parce que on n'est pas habitué à se tenir droit. On est habitué à s'évacher sur notre chaise. Ça bouge beaucoup. En plus, faut que tu tiennes vraiment le coccyx et la colonne vertébrale bien droite. Ensuite, quand tu montres des photos aux gens, et là, c'est vraiment stupide comme conseil, je sais même pas si ça marcherait, mais quand vous montrez des photos à des gens sur votre téléphone cellulaire, zoomez juste un tout petit peu sur la photo, comme ça, ils vont pas pouvoir swiper de gauche à droite, de photo en photo, et peut-être voir vos photos compromettantes. Tu sais, quand t'es zoomé sur une photo sur un iPhone, tu peux pas aller de gauche à droite aux autres photos. Oui, mais moi, je donne pas mon... Tu leur montres avec le téléphone dans ta propre main, tu leur montres la photo. Oui, si tu y touches, je te frappe. Ben, t'as bien raison. Ton iPod Touch, il y a de la valeur à la prunelle de tes yeux, tu sais. Ben, mais ça, il n'est même pas fini de payer. Exact. Et mon iPhone, il m'a endetté comme c'est pas possible. Donc, on fait attention avec ces gadgets, tout le monde. Soyez pas trop... Fineux. Pensez pas ça, c'est ça. Tiens, si votre bouteille, on a parlé de produits de beauté tantôt, de mascara, si votre bouteille de vernis à ongles est sèche, t'es pas capable de l'ouvrir, le bouchon est séché, t'as eu des petits coulis, c'est séché. Là, t'es pas capable de l'enlever, mettez un élastique, entourez-le vraiment plusieurs fois autour de votre bouteille, de votre bouchon, et vous allez pouvoir avoir plus de pognes, un peu comme autour de n'importe quelle peau, tu prendrais un pot de cornichon, tu prendrais les petits tapis en caoutchouc, là. Oui. Même chose, donc c'est juste avec des petits élastiques. J'ai mon petit tapis en caoutchouc dont je me sers vraiment souvent. Je crois que c'est de la coop de l'université. Ah, calme. Je sais pas si j'ai rêvé à ça. Y a-tu le logo de la coop dessus? Ben, je pense que oui. Wow, le marketing, hein. On va mettre notre logo sur un petit tapis de caoutchouc. Bravo. Mais donc, non, j'aime bien. Quand même, c'est cool. Moi, je me sers de gants pour le four qui ça donne à avoir du petit caoutchouc dans le milieu. En silicone? En silicone, c'est bon, enfin, ça. Ensuite, mettre du vin. Alors ça, pour toi, Stéphanie, juste pour toi. Stéphanie, elle connaît sans grave dans ce cas-ci. Stéphanie. Stéphanie. Funny stuff. Mets ton vin dans un malaxeur pendant 20 secondes. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais... Ça va brouter. Ça va vous... Peut-être. Tant mieux en même temps. Ça nous dit que c'est une méthode d'aération qui va adoucir les tanines. Les tanins, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'ai dit. En fait, t'as mal compris. Les tanins dans le vin. Et ça va faire que même du vin pas cher va goûter meilleur par l'aération dans un malaxeur. C'est ce qu'on nous dit. C'est comme une décantation accélérée. Express. C'est ça? Express. Ouais. Ouais. Paquet Valeur Express. Je me vois vraiment pas mettre mon vin dans le malaxeur. Je te reviens, je te fais un petit drink. J'aurais l'impression que c'est un sacrilège un peu. C'est ça. Une autre phrase cute, tiens, si tu te fies sur les autres pour te rendre heureux, tu seras jamais heureux. Le bonheur est quelque chose qui est sous ta responsabilité à toi. Mais je suis bien d'accord. C'est beau, hein? Et voilà. Voilà. Tiens, fais la promotion de ce que t'aimes à la place de parler contre ce que t'aimes pas. Tu comprends, Mathieu Plan? Tu comprends, Mathieu Plan? Non, mais tu sais, sur Facebook, les gens qui sont tellement négatifs, ils sont tout le temps en train de bâcher des articles. Tu sais, ils postent un article. Ah, ça, j'ai ça. Ah, ça, c'est ce qui fait que le monde tourne mal. Tu sais, à la place, fais donc genre, hey, ça, c'est le fun. C'est un bon groupe de musique. Hey, ça, c'est un bon film. Hey, ça, c'est le fun. Le chat est vraiment cute. Il est cute. Ouais. Donc, c'est ça. Faites la promotion de ce que vous aimez. À cause de l'horloge interne de ton corps, l'heure la plus difficile à laquelle s'endormir est entre 1h et 3h du matin. T'as plus de chances de t'endormir avant ou après. Donc, si vous avez une heure, tu sais, vous aimez ça, vous couchez tard, assurez-vous que ce soit genre avant 1h, tu sais. Mais ça dépend de ton cycle de sommeil à toi. Ça dépend de tes heures de travail aussi, ça dépend. De mais pour quelqu'un de standard... Ça, quelqu'un qui travaille de 8 à 5, 9 à 5, peu importe. On se dit entre 1h et 3h du matin, c'est le plus difficile de s'endormir. Bon. Ah, c'est clair que je suis couché, là. Moi aussi, 1h du matin, c'est tard, pas mal. En heure de travail. Quand je suis l'été, à rien faire du tout, 1h à 3h du matin, c'est l'heure à laquelle je me couche tous les soirs, à peu près. Mais bon. Ou l'heure à laquelle t'es le plus productif. Genre, c'est vraiment là que les choses se passent. Bon, tu capes, ouais. Si une autre façon de vivre votre vie, si ton ami est trop fier pour s'excuser après avoir fait quelque chose de pas correct, c'est que cette personne-là n'est pas ton ami. C'est le trop de fierté, cette personne-là, pour s'excuser, c'était pas une bonne personne. Donc, tiens-toi avec des gens qui sont capables de s'excuser. J'aime ça quand même. Mais ce qu'on dit, le bonheur passe par toi-même. C'est ta responsabilité. Assure-toi de t'entourer des bonnes personnes. C'est qui disait « Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses. » Peuvent y prétendre. C'est une chanson thème de les petits bonheurs dans le temps. Si une fille se souvient de la couleur de tes yeux, on nous dit c'est une bonne, de bonnes chances qu'elle t'apprécie, qu'elle t'aime bien. C'est le seul appel de la couleur de tes yeux, c'est qu'elle a fixé tes yeux assez longtemps pour s'en rendre compte. Ben, c'est clair, là. C'est un bon indice. Oui. Faut que t'aies eu quand même un petit instant de proximité aussi, là. C'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est pas parce que tu la vois à distance puis la personne plus tard, ouais, je sais pas. Ça veut dire qu'elle s'approche de toi peu subtilement, probablement. Si t'as mal aux pieds pendant la journée, tu peux résoudre ce problème-là, nous dit-on, en mettant un oreiller en dessous de tes pieds pendant que tu dors. Si t'as mal aux pieds dans la journée, j'ai vraiment envie d'essayer celui-là. Ah? Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? On nous dit des fois de se mettre un oreiller entre les jambes pour que la colonne vertébrale... Quand tu couches de côté, ouais, c'est ça. Moi, je prends pour acquis que tout le monde se couche de côté parce que c'est la méthode que je pourrais pas dormir sans être sur le côté. Je comprends pas comment tu fais pour dormir sur le dos. Pas capable. Mais bon. Donc, si tu couches sur le côté, des oreillers entre... Ben, un oreiller entre les jambes pour la colonne vertébrale. Et si tu as mal aux pieds pendant la journée, un oreiller sous les pieds. Ouais. Ben, en fait, je pense que ça aide à la circulation sanguine quand tu mets un oreiller sous tes... soins. C'est ça. Sous tes pieds, parce que dessus, ça sert à rien. Sur tes pieds. Mais c'est ça, si tu surélèves un peu tes pieds, ça aide à la circulation. Ah, c'est bon, ça. On retient ça. Une autre phrase jolie. Si tu dois choisir entre deux choses evil, deux choses mauvaises, deux mauvaises choses, au moins choisis celle que tu n'as jamais essayé avant. Pour au moins essayer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est bon. C'est une belle petite phrase. Je sais pas, il y a des proverbes que je me dis qui sont un petit peu quétaines. Bien rire et bien dormir sont les deux meilleures cures dans la vie. C'est un proverbe irlandais. Ah, OK. C'est cheesy un petit peu, je trouve. Si t'as pas de, on va terminer très bientôt. Si t'as pas de système d'alarme à la maison, tu peux dormir avec les clés de ta voiture sur ta table de nuit. Comme ça, si jamais il y a un voleur, quelque chose comme ça, tu pourras appuyer sur le bouton panique. Ben, c'est pas juste comme ta voiture qui va crier dans le stationnement? Ouais. Peut-être que ça va faire peur au voleur. Je sais pas. Non? Peut-être pas. C'est une idée comme une autre. Ben oui, quand tu restes au deuxième étage puis ta voiture est comme au fond du stationnement. Ouais, bon, c'est ça. Faut relativiser le fait que ça se peut que ça soit pas très utile si t'es dans un appartement au huitième étage. Ça pourrait ne pas être utile, en effet. C'est ça. Bien dit. C'est un bon point. Un condom. Hein, on passe d'un sujet à l'autre. Un condom est capable d'emmagasiner l'équivalent d'une bouteille de liqueur de 2 litres. Donc, si un gars te dit que son condom est trop petit pour l'utiliser, pas nécessairement vrai. T'sais. Ah ouais, trop petit pour le liquide, là. Ouais, non, c'est ça, pour le liquide, ouais. C'est pas une question de pas besoin de devenir mauve, là. Non, mais dans le sens que ça s'étire jusqu'à 2 litres de contenu, donc son engin masculin, il va être capable de fitter dedans. Genre. Ben, ça se peut qu'il devienne mauve, là. Je sais pas, en tout cas. Ben... Bref. Enfin bon. T'sais, et pour terminer, tiens, pour les serveurs et les serveuses dans des restaurants, par exemple, donc on vous dit de demander la carte d'identité, la carte qui prouve leur âge aux personnes qui sont dans leur trentaine, dans leur quarantaine. Ils vont être, il y en a qui vont détester ça, se faire carter, mais il y en a qui vont être super flattés. Ils vont peut-être te laisser un meilleur type. Ah, crime, tu sais, j'ai l'argent. Ouais, mais des fois, ça peut être vu comme hypocrite là, quand t'as vraiment l'air vieux, tu sais. Peut-être un petit peu, oui, j'avoue. Donc voilà pour les instructions d'assemblage. Il y en a un paquet d'autres qu'on va faire la semaine prochaine. On fait ça les jeudis à Assemblage Rock. Ben, il y en a un, moi, que je regarde. Je peux-tu le faire? Fais-le, garde-toi. Ben oui, c'est un gâteau au fromage sans cuisson. C'est, dans le fond, c'est tu t'offres des fraises avec un mélange de gâteau au fromage sans cuisson. Donc, facile les ingrédients. Un paquet de fraises. Un gros paquet de crème fouettée, un paquet de fromage à la crème mou, une cuillère à thé et demie d'extrait de vanille, puis un paquet de pudding à saveur de fromage, de gâteau fromage, pardon, puis un sac à congélateur, un freezer bag. Puis, ben, c'est pas dur, tu laves tes fraises, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais dans le fond, faut que tu fasses une incision dedans, puis qu'il soit froid. Puis après ça, tout le mélange là, des ingrédients que j'ai donnés, là, ben, tu stuffes ta fraise. Fait que ça fait des belles fraises toutes ouvertes avec le petit stuff de gâteau fromage à l'intérieur. Génial. Ça a l'air tellement bon. Ah! Caroline, des projets de fin de semaine, encore une fois. Vous allez essayer tout ça et vous nous en donnerez des nouvelles via notre page Facebook Assemblage Rocky. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent la merde. Oh yeah! 11h41 dans cette belle journée du presque printemps. Eh bien oui, aujourd'hui, comme à l'habitude, dans notre bière de la semaine, eh bien, on se fait plaisir. Je sais pas si on va aimer, mais en tout cas, d'après ce que j'ai comme produit, les amis, on a quelque chose d'assez particulier. Premièrement, ça nous vient de la célèbre microbrasserie à l'abri de la tempête qui est située à l'étang du Nord, aux îles de la Madeleine. Hein? Et quand même, c'est pas à côté, ça, vraiment. Si on était en Europe, eh bien, ça serait dans un autre pays. Ça, c'est clair et net. En overall, cette bière a 80% et selon son style, 51%. Moi, je sais pas comment ils ont fait pour aller classer son style, parce que c'est une bière complètement nouvelle, un genre redessiné, une façon de faire que moi, ben, j'avais jamais entendu de parler. Le nom de cette bière, eh bien, c'est la corne de glace. Si vous connaissez bien les Scotch Ale, vous connaissez sûrement la corne de brume, qui est une des 10 meilleures Scotch Ale de tous les temps du monde, hein, bien sûr. Ben, de tous les temps, en tout cas des temps qu'on connaît en ce moment et qu'on peut se rappeler, hein. On peut pas aller voir avant lors de la préhistoire là, quand même, on faisait pas vraiment de bière là, mais surtout pas de la Scotch Ale, en tout cas. Donc, je vous envoie la petite description qui est inscrite sur la bouteille. Premièrement, la bouteille, oui, qui est en format de 341 millilitres. Alors, que malgré qu'il soit bien heureux que la corne de brume se maintienne dans les 10 meilleurs Scotch Ale au monde, les brasseurs lui ont fait subir l'hiver Madelino. Enfermée dans une petite cuve et exposée au froid extrême par les grands vents de janvier, cette bière classique s'est transformée en un élixir puissant, que dis-je, un concentré grandiose de saveurs comme si le froid avait tout arraché sauf son cœur. Prenez votre temps, celle-là pourrait vous faire mal. Hein? c'est la Palabre Corne de Glace. Scotch Ale, bière extra forte. Attention, accrochez-vous après les oreilles à pépère. 13% d'alcool dans ce petit élixir. Je pense qu'à partir de 12, on peut même pas appeler ça une bière, ou presque. Hein? C'est un élixir. Vraiment génial. La bouteille, l'affiche, eh bien, ça nous montre des corbeaux qui se parlent. Il y a un phylactère qui est vide. Et sont sur un fil électrique, genre en plein cœur des îles de la Madeleine. Et puis, ben j'ai juste le goût d'aller l'ouvrir, cette bière. Je pense qu'on est rendu là. Hein? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Donc, une Scotch Ale, mais qui a été... on y a fait passer le si vous connaissez les Icebox de chez l'alchimiste, eh bien, c'est un procédé, justement, comme on l'a dit, on a fait une Scotch Ale plutôt normale, on la congèle, et ce qui ne congèle pas, OK, donc, tout ce qui est sucre et alcool, et en tout cas, tout ce qui veut pas prendre dans glace, c'est avec ça qu'on fait ce beau jus-là. J'en suis presque ému. Vous devez l'entendre dans ma voix, c'est comme rien. Sur ce, eh bien, on va baisser la trame et on va faire ça. Je vais le prendre de mes amis qui me parodient chaque jeudi matin. Ah ben oui, mon ami Stéphanie et mon ami Mathieu Plante. Alors, ben je vais aller dans le micro magique. On s'en va au micro magique et on va écouter qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette Palabre Corne de Glace. Le bonheur, ça respire le bonheur. Pas trop contente de me voir dans le sens que elle s'est pas aspergée sur moi, elle s'est pas lancée sur moi. Et c'est tant mieux hein, avec les équipements qu'on a ici dans le studio. On va se la couler cette bière et on va la regarder descendre. Oh mon Dieu. À première vue, vous le savez, la semaine dernière, on a dégusté une Scotch Ale. Plus classique, comme on dit. Donc, côté couleur, elle nous fait un peu penser à la Scotch Ale de l'autre fois. Une bière qui est filtrée, elle n'est pas voilée. Par contre, un brun rougeoyant, un brun, je vous dirais, couleur tire d'érable, couleur sirop d'érable, mais un sirop d'érable là, qui a du corps. Là. Pas un petit sirop de poteau blanc, là, transparent. Non, cette fois-ci, vraiment une belle couleur. La couleur de la bière est presque de la même couleur que la bouteille, mais avec un côté un peu plus rouge, rougeoyant. Côté nez, eh bien, on va se remonter ça un petit peu, ça va être plus intéressant pour vous. Du côté du nez, on va regarder ça voir. On a le sucre d'orge. Odeur de sucre d'orge, ça c'est clair. Caramel. Des notes florales aussi, on dirait, là-dedans. Mais vraiment, le côté sucre d'orge ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va s'envoyer une petite gorgée, hein? On va arrêter de niaiser. Oh là là, l'alcool, hein? On la sent, 13% d'alcool. Oui, ça c'est clair qu'on le sent descendre. La semaine dernière, c'est particulier par contre, la semaine dernière, la Scotch Ale, j'avais dégusté, c'était la Auburn, je sais pas quoi, là, du trèfle noir, si je me rappelle bien. Mais cette fois-ci, c'est étrangement, je m'attendais à avoir un sirop beaucoup plus sucré. Je m'attendais à avoir plus de rondeur, mais elle est moins ronde qu'une Scotch Ale normale. Pourtant, il y a un taux d'alcool qui est vraiment puissant. Vraiment particulier, je suis surpris de cette bière. Je m'attendais vraiment à avoir un sirop qui me coule dans la bouche, et ce n'est pas ça qui me coule dans la bouche du tout. C'est très bon, c'est très malté, très céréal. Ça goûte la céréale. Et ce qui me surprend le plus dans cette bière, et je pense que ça m'est arrivé à peu près pas souvent, même je vous dirais jamais, d'avoir ce que je ressens en ce moment, c'est une sensation de chaud, très très chaud. L'alcool est très présent, la gorge est en feu. Écoute, ça fait pas mal, puis c'est le fun, là, c'est super le fun. Mais pour vous décrire un peu ce que je ressens, c'est quand même l'œsophage, là, ben, il sent que il y a eu une bonne portion d'alcool qui vient de descendre. Presque quand on prend un shooter, il y a un petit côté chaud qui descend, eh bien, il est là. Ça, c'est clair. Vraiment, un beau produit. Et comme j'ai dit tantôt, si vous en voulez, dépêchez-vous, rendez-vous à la barrique. Ils en ont reçu 48 bières en tout. 48 bières, c'est pas beaucoup. Juste moi, ce matin, je suis reparti avec deux. Xavier, c'est sûr qu'il s'en est mis. Xavier, qui est le propriétaire de la barrique, bon ami. Eh bien, il s'en est mis quelques-unes de côté. Déjà, il doit pas en rester beaucoup. Moi, je vous dirais, ce soir, il n'y en aura plus de ce bière-là à la barrique. Et c'est une bière vraiment particulière. Comme j'ai dit tantôt, la corne de brume, qui est la bière, moi, qui m'a fait découvrir cette microbrasserie-là, c'est complètement Toutatis en culotte de velours. Eh bien là, c'est comme si Toutatis en culotte de velours, eh bien, le feu avait pogné après ses pantalons. Hein? On pourrait dire ça comme ça. C'est une bière facile à boire, mais vraiment, on ressent la chaleur de l'alcool. Et puis moi, j'ai un après-midi à faire là, ici, je travaille là, tantôt. Quand même, un beau produit. Sinon, si on s'en va du côté de ratebeer.com, eh bien, c'est le fun parce qu'on a déjà quelques notes et c'est quand même assez surprenant parce qu'elle vient juste de sortir et que c'est une bière d'ici. Hein. Ratebeer.com, là, je vous le rappelle, c'est un site qui met des notes sur des bières, mais à travers la planète entière, OK? Eh bien là, on vient de recevoir ça. Ça fait, ils l'ont reçu hier à la barrique et on a déjà, je vous dirais, presque une dizaine de critiques. Bravo, bravo, bravo. À quand mon inscription sur redbeer.com? Je pourrais vous envoyer les petites chroniques que je fais live comme ça. Donc, si on s'en va avec Bière-Luc. Bière-Luc nous dit « La palabre corne de glace, brune foncée au reflet rubis ». Ah, lui, il était plus poétique. Moi, j'ai dit rougeoyant. Rubis, c'est vraiment bien. Ténébreuse, peu mousseuse et presque limpide. Le nez laisse poindre un peu de gomme balloon et de dessert cochon. Ça fait partie de mon lexique. C'est ce qu'il dit. Donc, moi, c'est ce que je disais tantôt. Lui, il dit gomme balloon. Moi, je disais le sucre d'orge. Mais je comprends ce qu'il veut dire par la gomme balloon. Il y a un côté... Moi, je vous dis, elle est plus sucrée au nez qu'en bouche. En bouche, des notes puissantes d'épices, d'alcool et de sucre s'échangent les politesses. Mais quand même, épices, moi, j'ai trouvé que c'était floral un peu, peut-être. Je vais me renvoyer voir pour être sûr, pour côté épices. C'est bizarre, mais je vous dirais presque du poivre. Il y a un petit côté poivré dans cette bière. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de assez particulier. Il dit « Quelque chose rappelle l'harmonie caramel et fleur de sel. » On peut goûter une certaine torréfaction qui rappelle le café aussi. Ça, oui. Ça, je l'ai. Je le goûte tantôt. À la première gorgée, je l'ai pas senti. Mais littéralement, on a une torréfaction solide. C'est peut-être ça le petit goût que je veux dire, quasiment en poivre. C'est un petit côté noirci. Hein? C'est ça pareil. Il dit « Très intense et très bon. Un produit de luxe pour les bouches qui n'ont pas peur de la démesure. » Ça... C'est clair, hein? Vraiment particulier. Ici, sinon, on y va avec une petite bière qui nous dit... ça, c'était Bière-Luc. Si on s'en va avec Garnotting Pete, jamais utilisé de ses références à lui, il dit la Winter Warmer de décembre 2013, une bière de couleur noisette, limpide et couverte d'une fine écume marquant peu le vert. Des arômes légèrement chocolatés et fortement alcoolisés. Elle est bien amère, légèrement acide... Elle est crémeuse, un corps baraqué, vivement effervescente et se termine sur de très longs arômes. Moi, je trouve qu'on n'est pas là, sauf qu'il y a quelque chose qui m'a resté que je n'avais pas vraiment remarqué à cause de la présence vraiment de la chaleur de l'alcool. C'est une légère amertume et une légère acidité, peut-être. C'est peut-être ça le petit côté que je dis, tu sais, du poivre, il y a un petit côté amer. Peut-être c'est ça qui me dit ça. Ici, je vais aller avec un vieux de la vieille qui sait de quoi il parle. C'est Tactique Montréal. Donc, dans un verre de dégustation provenant d'une bouteille de 341 millilitres dégustée à l'hivernal des brasseurs. Il dit « L'arôme est d'une odeur caramel avec une pointe d'alcool. En apparence, la couleur est ambrée foncée, présence d'un mince col mousseux et d'une fine dentelle sur le verre. La saveur est léger goût de caramel et d'alcool avec une pointe d'épices. » Moi, le goût de caramel, je vous le dis, la semaine dernière, on l'avait. on l'a aujourd'hui, on a de la torréfaction, mais je vous dis ce qui me reste beaucoup avec cette bière-là, et c'est vraiment la présence d'alcool. Personnellement, et là, je veux pas m'avancer trop, je préfère la corne de brume normale. Cette bière-là, qui est beaucoup plus, je pourrais spécifique, et est un petit peu plus chère aussi en magasin, comme on a dit, c'est une bière de luxe. C'est vraiment ça. C'est une bière que... C'est ça. Hein, on parlera pas. Moi, je parle pas de prix ici, mais je vous le dis, c'est une bière qui est un peu plus chère qu'une bière normale. C'est clair, avec 13% d'alcool dans le corps, on peut pas vous la vendre au même prix. Ça, c'est clair. Mais moi, au goût, j'ai plus de bonheur, mettons, à boire une corne de brume. Mais tu sais, je m'en ai acheté une ici, là, une corne de glace, et puis je suis content de l'avoir achetée. Et puis c'est surtout une belle expérience à vivre, une bière du genre. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il nous rajoute? Odeur caramel, apparence, la couleur est ambrée foncé. Non. Il dit léger goût de caramel, ça c'est beau. Durée moyenne de l'arrière-goût. La palette et le corps moyen, texture légèrement liquoreuse. Moi, je trouve qu'elle est pas tellement liquoreuse pour la quantité justement d'alcool. Moi, je vous dis une petite affaire, OK, de plus sucrée. Mais ça, c'est pour mon avis. Il y a bien des gens qui vont dire « Ah non, c'est parfait, parce que moi, ça m'écœure les bières sucrées. » Et j'en connais une qui pense ça justement souvent. Et puis... Je te salue, hein, ma chérie d'amour. Et puis, celle-là, non, elle a pas ça. Très, très bel équilibre. Un très bel équilibre. Mais particulièrement, moi, je la trouve un peu forte quand même. Et sinon, on s'en fait une petite dernière ici. Dan Deman en a testé 437. Il dit « Rapporter des îles cet été, des arômes de figues, de dattes, de caramel, des notes très maltées, et de bonne puissance. Au visuel, un brun foncé presque noir développant une petite mousse crémeuse. » Là, on n'est pas à la même chose du tout. Mais si je regarde la date de sa critique, lui, c'est en 2013. Donc, on n'a pas le même brassin du tout que ce que je suis en train de goûter en ce moment. C'est comme ça. Mais, tu sais, c'est pas plus grave que ça, hein. Il dit, le caramel vient soutenir ce magnifique mélange de saveurs, une légère touche d'amertume. En fin de bouche, vient lui donner son caractère. Superbement bien balancé, elle est ronde et onctueuse et malgré ses 14% d'alcool, elle n'est pas agressive. Bonne balance de sucre et d'alcool. Je suspecte également l'ajout de quelques algues ou herbes des îles. Une bière magnifique. Elle pousse encore plus loin la palette traditionnelle d'une Scotch Ale. Ça, c'est vrai. Mais gars, juste pour vous dire la description, celle-là est à 13%. Celle-là est à 14, pardon. Mais ici, on a une à 13. Mais ça, faut faire attention. Et puis souvent, même Xavier de la Barrique me l'a déjà dit, les brasseurs, des fois, ils vont mettre un petit peu moins que ce qu'il y a dedans pour que ça reste une bière. Parce qu'il y a des histoires de loi ici au Québec par rapport à la bière, vin, spiritueux, c'est pas la même juridiction, etc. Me semble que c'est quelque chose, une histoire du genre, OK? Alors, ça se peut en masse que cette bière, moi je la suspecte, cette bière-là, d'avoir un peu plus que 13% d'alcool, parce que sérieusement, ça fait longtemps, même quand je bois un verre de vin, OK, qui est quand même assez agressif et acide, là, des fois, du vin, là, eh bien, j'ai pas cette sensation de chaleur qui me coule au corps. Et c'est pas pour me déplaire, hein. C'est vraiment un bon produit. Là, tantôt, je disais, j'aime mieux la corne de brume. Mais c'est parce que la corne de brume, on l'a dit tantôt, c'est une des 10 meilleures Scotch Ale au monde. Alors ici, c'est plus un test. Moi, je pense que c'est plus un hybride, un essai, pour cette bière-là, la Palabre Corne de Glace. Sinon, eh bien, on a assez parlé de cette bière. On va aller parler justement de l'endroit où c'est brassé. Moi, j'aime bien dire où c'est tourné. Eh bien, situé aux îles de la Madeleine, à l'étang du Nord, dans une ancienne usine de transformation de poissons, la microbrasserie à l'abri de la tempête profite d'un emplacement de choix en bordure de mer avec une vue imprenable sur la dune de l'Ouest. Avant d'aller vous prélasser sur la plage ou après une journée bien remplie de sable et d'eau salée, faites une halte rafraîchissante dans notre salle de dégustation. À l'abri de la tempête, valorise l'utilisation de matières premières locales dans la conception de ses bières. Ayant débuté par la transformation de l'orge en malt, elle poursuit sa lancée avec une récolte de fleurs, d'algues et d'herbes fraîches. C'est un peu ça tantôt qu'on nous disait. Moi, je dis que c'est de là vient les épices ou les goûts qui sont un petit peu difficiles à identifier parce qu'on n'est pas assez... On les côtoie pas assez souvent, ces goûts-là. Alors, c'est peut-être pour ça que je suis un peu dans le mystère. Hein? Ça peut être ça. On nous dit aussi que l'utilisation, ok, c'est l'utilisation justement de ces trucs locales et l'utilisation de ressources comme ça qui est un gage d'authenticité et de fraîcheur qui contribue à la conception de bières uniques et bien racées. Hein? Anne-Marie et Jean-Sébastien sont deux passionnés qui ont fait le choix de s'exiler dans ce milieu magnifique qui sont que sont les îles de la Madeleine. Ils sont originaires de la région de Montréal et de Saint-Hilaire. Ils ont fait le grand saut pour le milieu insulaire en 2002 pour finalement réaliser leur rêve en 2004, ouvrir leur propre microbrasserie. Allez sur le site alabridelatempête.com. Il y a plein d'informations. C'est vraiment parfait. J'adore. Pour vrai, là, on est content. Donc, si je fais un petit récapitulatif, on dégustait aujourd'hui à notre bière de la semaine une corne de glace, la Palabre corne de glace, une Scotch Ale extra forte à 13% d'alcool dans un format de 341 millilitres qui nous vient de l'abri de la tempête et tout cela offert par La Barrique, 4170 Boulevard des Forges à Trois-Rivières. Le magasin de bière à Trois-Rivières, comme le disent si bien dans leur publicité. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. François Landry est là, il est fringant, prêt à aller voter encore une fois, non seulement le vote normal des élections qui s'en vient, mais en plus peut-être un référendum droit de vin. Ça c'est ma question, droit de vin. Comme une colle. Collègue. Le début est solennel. Quand je peux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et solennel, pompeux, royal, royal. Stéphanie trouvait tantôt que ma question référendum droit de vin n'avait pas l'air d'une question à moins que je dise point d'interrogation à la fin. Donc c'est pour ça, référendum droit de vin! Oui, là tu l'as très bien, l'intonation, tout. C'est tout. Donc, François Landry et sa chronique politique Logocratie 101, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Mathieu Plante. Ouais. Oui. Donc, référendum par rapport à la question qu'on s'est toujours posée dans les référendums au Québec, c'est tout à la même, non? Ouais, celle qui a à peu près plus de 140 caractères, là, celle qui dure 3 pages de long. Celle étant donné que selon le contexte actuel, faudrait que je la sorte celle de 95. C'est un bijou. C'était ceux qui savaient pas c'était à quoi la question ou le propos. Votez pas, tout simplement. Tu lisais ça, tu dis ça prend 5 minutes là. Un roman de Stephen King me prend moins de temps à lire que ça. Je crois que je l'ai ici. Tu l'as? Oui, je l'ai. C'est un roman de Stephen King? Ouais. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Fin de la citation. Non, il y a un surparagraphe à ça. Ah ouais. Oui. Caroline, ça doit être la page Wikipédia qui mesure des kilomètres, qui doit contenir ça quelque part. Non, parce qu'il y avait 2-3 paragraphes à la question. Ah ouais. Wow. Mais bref. En Écosse, il va y avoir un référendum cet automne, ça va être, voulez-vous qu'on se sépare, oui ou non? Pis tout? That's it. Ça, ben, j'aime ça. 5. Hein? Minimaliste, qu'on minimaliste. Dit. Minimaliste. Ouais. Ben, ça dit tout, là, me semble. Oui. Ouais. Votons au Scotia. Va-t-on Scotia? Mais non, revenons au Québec. Hein. On aime tellement notre cher Québec et on est en pleine campagne électorale et tout peut arriver dans une campagne électorale, même ce qu'on n'avait pas prévu. Sur le calendrier initial du Parti québécois, c'était on ne parle pas de référendum à part qu'à nos militants. On n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas à la population parce que on veut pas les effrayer. Mais là, on a recruté Pierre-Carl Péladeau. Et Pierre-Carl Péladeau, le poing levé, a brandi le spectre référendaire. Donc, on n'a pas eu le choix pendant plus d'une semaine de parler à chaque jour de frontières, de monnaie, de l'armée, des tarifs, des ententes internationales à cause qu'on pourrait tenir un référendum prochainement sur la souveraineté du Québec. Donc, et je vais citer Pauline Marois, nous sommes en campagne électorale, pardon. Nous ne sommes pas en période référendaire, a déclaré Pauline Marois jeudi dernier pour mettre un frein, parce que ça faisait plus d'une semaine qu'on ne faisait que parler de ça dans les journaux. Donc, son programme, son agenda, ses investissements, ses promesses électorales ont totalement été évacués de la map. C'est vrai. mais la tenue d'un référendum sera incontournable si le Parti québécois obtient une majorité. La première ministre de gouvernement souverainiste majoritaire ne pourrait pas gouverner pendant 4 ans sans tenir un référendum. Ce serait un aveu d'impuissance. Ce serait admettre l'échec du rêve souverainiste. Ce serait une capitulation sans combat, un scénario pire que la défaite. Oh. Ouh, hein? Il y aura donc un référendum et je me hasarde à faire une prédiction. Oh! 26 octobre 2015. OK. Hein? On va s'en souvenir rendu là. OK. 20 ans, presque jour pour jour après celui du 30 octobre 1995 et une semaine après les élections fédérales qui auront reporté Stephen Harper au pouvoir ou élu Pierre-Éliott Trudeau fils. Donc on va avoir dans le fond deux votes dans une période de deux campagnes politiques en même temps. En même temps, ils vont se chevaucher. Là, pas les mêmes dates de début sûrement, mais ça va se chevaucher. Ceux qui ont lu lors de la guerre de Sun Tzu, il disait à l'intérieur « Désorganisez l'armée ennemie et prenez le pouvoir ». Donc, pendant que le gouvernement fédéral sera en élection, pendant qu'il va se chamoyer entre eux, il n'y aura pas de fédéralistes qui vont pouvoir venir envahir le Québec. Donc, on va faire la souveraineté pendant qu'ils chicanent. Ah, ils ont lu Sun Tzu. Donc, une campagne référendaire pendant la campagne électorale fédérale, vraiment, oui. Vendredi dernier, Mme Marois n'a pas écarté la possibilité. Elle a déclaré qu'elle cheminera selon l'agenda qui nous appartient. On traversera le pont quand on sera arrivé, maintenant. Voilà. Mais je pense qu'ils vont même construire le pont. Puis s'il n'y a pas de rivière, ils vont creuser une rivière pour construire le pont. La loi sur les élections à date fixe oblige Stephen Harper à tenir des élections le 19 octobre 2015, obligatoirement. C'est une loi. Et va-t-il la respecter? Ah, il n'est pas obligé de respecter la loi. Est-ce qu'il va y avoir une amende, si jamais? Quelques milliards de dollars. Qui va décider ça? C'est lui-même. Hein? C'est ça. Voilà. Rien ne détermine la date, par contre, d'un référendum. Il n'y a pas de loi là-dessus. Une campagne référendaire pendant la campagne fédérale chambarderait la scène politique canadienne. La concertation des forces fédéralistes au Québec serait difficile, alors qu'au contraire, les forces souverainistes ne seraient plus dispersées entre le PQ et le Bloc étant rayé de la map. Donc, toutes les forces souverainistes seraient à Québec en train de se battre ensemble. Les conditions seraient-elles gagnantes? Peu importe les sondages, jamais le PQ n'a eu une équipe aussi éloquente pour défendre la thèse souverainiste depuis 80. Nous sommes bien loin de la campagne de 95, pendant laquelle Jacques Parizeau, on s'en souvient, avait dû faire appel à Lucien Bouchard. Le charismatique Lucien Bouchard. Les Bernard Drinville, Pierre Duchesne, Jean-François Lisée et surtout Pierre-Carl Péladeau seraient des porteurs de ballons très efficaces en campagne référendaire. Pourquoi un référendum aussitôt? Parce qu'un gouvernement marois réélu majoritaire aurait le vent dans les voiles devant les partis d'opposition décimés. Parce que Philippe Couillard serait obligé de démissionner, François Legault serait rayé de la map, démissionnerait probablement, et Québec solidaire n'est pas une entrave à une opposition assez forte pour le Parti québécois. Et surtout parce qu'il ne voudrait pas courir le risque d'attendre la deuxième partie de son mandat, donc la troisième et quatrième année, alors que les problèmes économiques, les accidents de parcours les auront aliénés une partie de la population. C'est toujours après 2 ans que l'on commence à détester le gouvernement, on a hâte aux élections pour s'en débarrasser, les impôts montent, on chope. Puis dans 2 fois, on va juste revenir à ça, comme tout le temps. C'est un cercle vicieux. À la demande de Pauline Marois, le livre blanc sur l'avenir du Québec devrait être prêt au plus tard 1 an après l'éventuelle réélection du PQ. C'était une promesse préélectorale. Le gouvernement aurait alors 6 mois pour préparer la tenue d'un référendum à la fin octobre. Pourquoi attendrait-il plus tard? Pour laisser aux partis fédéraux et aux premiers ministres canadiens fraîchement réélus le temps de concocter une stratégie de peur ou de séduction pour les Québécois. Donc, coupez l'herbe sous le pied. Inscrivez tout de suite octobre 2015 dans votre agenda et surtout sur votre porte de frigo. Et on se rappelle ce matin-là, Mathieu. OK. C'est une promesse. C'est noté. Là, on est quand? Là, on est le 20 mars. Mars. OK. 2014. I am. 8h43. Voilà. OK. Assez dit. Assez fou, vous aurez eu la primeur. Assez dit. CDIT, la radio qui parle. Mais pour avoir un référendum, il faut d'abord gagner ces élections. Hein? On s'entend là-dessus. Si le scrutin s'était déroulé ces jours-ci, 39% des Québécois auraient voté en faveur du Parti libéral du Québec et 36% pour le Parti québécois. C'est un revirement de situation depuis qu'on fait les chroniques ici, le suivi des sondages. C'était toujours en pente ascendante pour le Parti québécois, mais pas cette semaine. Il y a vraiment eu un accroc dans la suite du rêve péquiste. À cause de Pierre-Carl Péladeau, essentiellement. Les libéraux enregistrent une hausse de 3 points par rapport à un sondage mené en début de campagne. 3 points en campagne électorale, c'est faramineux. C'est immense. Il serait abusif de parler d'un retournement de situation et trop tôt pour évoquer un effet boomerang dû à l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, point levé en faveur de l'indépendance du Québec. Mais l'irruption du magnat des médias dans la campagne a fait bouger les plaques électorales. On peut pas rester indifférent. On est pour ou contre lui. Ce sondage réjouira davantage les libéraux que les péquistes et il déprimera sérieusement les caquistes de François Legault. Bien sûr. On va devoir lui payer une psychanalyse. Le retour du thème de la souveraineté dans l'actualité permet au Parti libéral de mordre à pleines dents dans l'électorat caquiste. Si vous voulez pas de référendum, votez pour nous. Parce que si vous votez pas pour nous, il y aura division du vote. Et s'il y a division du vote, le PQ va entrer au pouvoir. Et si le PQ entre au pouvoir, référendum. C'est la logique arithmétique de Philippe Couillard. Wow. T'as suivi? Oui. Voilà. Mais ça, ouais. Hein? Oui. Dans ce coup de sonde, la coalition Avenir Québec poursuit sa chute. Elle n'est plus qu'à 13% dans les intentions de vote. Et selon les projections, présentement, ils ont 11 députés. Ils pourraient tomber à 3 députés. Québec solidaire de 2 à 3. Donc, ils seront même plus d'égalité que Québec solidaire. Ça serait pas une gifle, une claque sur la gueule, comme il faut à François Legault. Québec solidaire, pointé à 10%, gagne 3 points depuis le mois dernier. Et ça, au détriment de la formation de Pauline Marois. Parce que les progressistes dans le PQ, il y en a encore, c'est une erreur rare. François David l'a relancé le mot « Si vous êtes vraiment progressiste, venez à Québec solidaire ». Le Parti québécois n'est pas un parti de gauche. C'est un parti de droite officialisé par l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau. Il y en a eu beaucoup qui ont eu tendance à aller au PQ. À QS. Et sur Facebook, je le vois, je le constate, tous ceux qui étaient pro-indépendance du Québec sont toujours pro-indépendance du Québec, mais ceux qui étaient social-démocrates, ils hésitent maintenant. Ils disent « Oh, soit je m'abstiens ou je vote à QS ». Donc, ils donneront plus leur vote au Parti québécois. C'est difficile sûrement pour ces gens-là de changer de camp comme ça. Ça doit être assez une réflexion casse-gueule. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Change ta vie. Schizophrénie, là. Oui. Oui. Donc, les fonds de remède du Parti de François Legault renforcent la possibilité que le prochain gouvernement du Québec soit majoritaire. Mais sera-t-il libéral ou péquiste? Difficile à dire, puis ça, je veux pas mettre de prédiction là-dessus parce que je ne peux pas le faire. Selon les projections, les deux sont majoritaires à plus ou moins 3-4 députés d'un bord ou de l'autre. Le Parti québécois continue de détenir une avance appréciable de 13 points chez les francophones, 43 contre 30 pour le Parti libéral du Québec. Et on s'en souvient, je vous avais dit qu'à partir de 40%, on forme un gouvernement majoritaire. Mais c'est tellement changeant les sondages ces temps-ci, l'humeur électorale est tellement changeante, il reste encore un gros 2 semaines de campagne électorale et le débat aussi qui va avoir lieu à Radio-Canada ce soir et la semaine prochaine à TVA peut faire bouger ou influencer dûment la population. Pauline Marois doit avoir une lumière jaune clignotée sur son tableau de bord pour dire « Ouf, fais attention ma grande, parce que c'est pas acquis. » Donc l'écart s'est resserré chez l'électorat francophone et c'est cet électorat qui fait ou défait les gouvernements. Donc le principal argument de Pauline Marois, c'est « Cessons de parler de référendum, parlons de la charte. Mm-hmm. » Et comme par hasard, hier, Bernard Dravel est revenu à convoquer une conférence de presse pour parler de la charte. On en avait pas entendu parler depuis le début de la campagne électorale. Hasard ou pas, je pense que le PQ commence à stresser un peu. Mm-hmm. Hein? Et là, ils refont leur campagne sur l'identité. Et c'est un discours qui est propre au Parti québécois. Et c'est un sujet très émotif pour la population québécoise, l'identité. Qui sommes-nous? Où allons-nous? On pourrait reprendre la chanson de Goldorak, là. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Ah, yeah. Wow. C'est voilà. La première surprise, c'est ça. Là. Ah, ouais. Non, moi, je me demandais si les jeunes sont vraiment intéressés par ces affaires de chart, parce que j'entends tout le temps ça partout. Tout le monde, je vois les jeunes, sont tous sur Snapchat. Sur Snapchat. Ouais. On prend une photo temporaire de la charte, puis on se met un voile sur la tête. Exactement. Pendant 7 secondes. En tout cas. C'est tout. C'est raté. Oui. Merci, ça finit mal. Hein? Ben, je sais bien, excuse-moi. As-tu une autre? Ben, une blague, non? Non. Une phrase que je préfère une blague, mais. Pas là. Alors, on te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour une chronique Logocratie 101. Certainement. On suit ces traces électorales-là jusqu'à ce que ce soit terminé. Oui, monsieur. La souffrance. Oui, monsieur. Jusqu'au 7 avril les prochain. Élections, mais... 1er avril. Non, 7 avril. Oui, je suis tout fourré. 7 avril prochain. OK. Les élections. C'est ton rendez-vous. Oui, sans faute. Merci. Fait plaisir. Bonsoir, mardi. À la semaine prochaine. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Mais en tout cas, je vous fais une nouvelle qui a rapport à la nourriture, peut-être plus qu'une même, et comme c'est l'habitude ici même dans le dîner de cons, à midi, au retour de la pause. Une dame a découvert, j'espère que vous ne ferez pas la même chose au bol vert, hein, une tête de lézard dans sa salade. Là, j'ai pas dit qu'il y en avait au bol vert. Faut pas mélanger les gens, parce que des fois, ils prennent juste des bribes de ce qu'on dit, et puis là, ils inventent une nouvelle, le téléphone arabe, comme on dit. Alors, cette dame, une Américaine, a eu un choc en mangeant une salade commandée chez un traiteur de Manhattan, où elle y a découvert une tête de lézard. Robin Sandusky mangeait tranquillement une salade de chou frisé commandée chez Guy et Galard, mais la pause déjeuner a tourné court quand la New-Yorkaise de 31 ans a repéré dans son assiette une tête de lézard. C'était la plus grande folie. Après quelques bouchées, j'ai regardé ma fourchette et je me suis dit « Oh, c'est un bout d'asperge !» Et puis j'ai vu des petits yeux et une patte, c'est ce qu'elle a confié au New York Post. Dégoûtée, la jeune femme a immédiatement renvoyé la salade en question au traiteur et le gérant de la chaîne Guy and Gallard, ou Guy et Galard, a quant à lui affirmé qu'il n'avait jamais vu de lézard à New York. Ben c'est cela qui est cela. Qui dit la vérité, qui dit vrai, on le sait pas. Toujours ici, rapport à la nourriture, c'est une dame complètement distraite qui a poignardé son mari en coupant un gâteau. Un accident peu banal qui s'est produit donc mardi près de Roy en Picardie. Une femme a accidentellement planté un couteau dans son mari alors qu'elle le coupait, ce gâteau. Mardi après-midi, une femme coupait son gâteau en regardant par la fenêtre. Son conjoint présent dans l'appartement l'interpelle durant son découpage. N'ayant pas vu que son mari était à proximité d'elle, la femme se retourne brusquement et plante accidentellement le couteau qu'elle avait en main dans la poitrine de son époux. Un hélicoptère de la sécurité civile est arrivé rapidement sur les lieux et a transporté le blessé à l'hôpital. Plus de peur que de mal pour le mari, qui n'a pas reçu de blessures graves, selon le journal Est Républicain. Tant mieux, parce que quand même, il n'était pas en train de chicaner. C'est vraiment une erreur stupide. Ici, tantôt, je vous ai parlé de faits de records du monde qui sont un peu idiots. Eh bien, on était vraiment dans le ton. Je vous invite à aller voir cette vidéo de l'homme qui brise 155 noix avec sa noix. Eh bien oui, en moins d'une minute, le 10 mars dernier, c'est lors du Punjab Yacht Festival que Mohamed Rachid donc a pulvérisé ce record. C'est le cas de le dire, le mot pulvérisé. Et quoi, qu'est-ce qu'il a dit au maximum? OK, il nous dit pas plus de détails. Alors que le précédent record était de 44 noix en une minute, eh bien, monsieur Rachid a littéralement pulvérisé cette performance, lui, en éclatant 155. L'histoire ne dit pas combien de neurones il aurait perdu en réalisant cet exploit fracassant. C'est le cas de le dire. Bon, on ne le saura jamais. Et ici, oui, vraiment une nouvelle particulière. C'est la police qui ferme l'autoroute pour rechercher un pénis tranché. Eh bien oui, les faits invraisemblables se sont produits vers 5h du matin à Middlesbrough, en Angleterre. Un homme grièvement blessé au niveau de l'aine a été retrouvé dans un bain de sang au bord de l'autoroute A66. Séparé de son membre viril, la victime d'une quarantaine d'années a été transportée inconsciente à l'hôpital. Dépêchée sur les lieux, la police a barré les quatre voies de l'autoroute jusqu'à midi afin de retrouver le pénis perdu. Un suspect âgé de 22 ans a été interpellé dans l'après-midi par les agents. Les premiers éléments de l'enquête vers la piste d'un crime passionnel. À l'heure actuelle, on ignore toujours si l'organe de la victime a été retrouvé. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.